from that nobody. Better do you how I do you. That'll bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah. I'll make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it, till you do any and everything for it. I want you to favor where that you be at. I can't fall back or quit, cause this is a fatal attraction. So I take it all or I don't want shit. You used to be thirsty for me, right? But now you wanna be set free. This is the web, web that you weave. So baby, now rest in peace. It's all over with now. I'm gonna love you until you hate me, right? And now I'm gonna show you somewhat what's really crazy. You should've known better than to mess with me harder. I'm gonna love you, I'm gonna love you, gonna love you, gonna love you like a black widow, baby. Black widow, baby. Il est quasiment 6h du mat, vous écoutez Fun Radio et avant de passer en mode week-end, c'est l'heure de retrouver en live pour bien commencer la journée l'équipe de Bruno dans la radio. Bonjour la famille. Bonjour mon poteau. Pourquoi avant de passer en mode week-end, moi je dis passons en mode week-end maintenant, voilà. C'est vrai, voilà. Pourquoi c'est... se dire il faut attendre le vendredi soir 17h30 pour passer en mode week-end, non. Qu'est-ce qu'on en a foutu, tiens regarde. Allez hop, c'est tout. Il suffit de le penser. Le week-end, c'est un état d'esprit, les amis. Bien sûr. Et si on remplaçait le bol de céréales par une petite vodka Red Bull, ouais. Ça serait pas top, ça. Tiens, et le Sean Paul, il n'est pas innocent. Je vais vous le mettre avant 6h30. On va attaquer l'heure là dans quelques secondes avec Calvin Harris et Rihanna. Bon, alors il y a du cadeau à vous offrir ce matin, forcément. C'est jour pour 4 personnes au parc Astérix. Là, dans 10 minutes, ça va gagner dans le tout ou gagné, tout ou perdu. Il y aura de la TV LG Full HD de 126 cm. Il y aura 2 ans de téléphone mobile portable grâce à Bouygues Télécom. Complètement gratuit, hein, de mobilité gratuite, 4G et tout ce qui va avec. Et donc Galantis également, qui va arriver avant 6h30. Mon petit Rémi, tu passes un bon week-end. Yes, bon week-end à vous. C'est un ordre. Ah bah oui, non mais t'inquiète pas, je commence dès ce soir. Eh ben grosse, j'espère. On arrive chez vous dans 2 minutes, l'équipe de Bruno dans la radio, à tout de suite. Fun Radio. Le son Dance Floor. Le point sur l'actu de ce vendredi, c'est le 17 juin aujourd'hui. L'info en 2 minutes, c'est Justine Salmon. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous et bienvenue. On y va pour la météo. C'est encore un sale temps là sur toute la France, ou presque, puisque la Méditerranée sera sous le soleil. Les températures, ça va de 8 à 14 degrés ce matin. Et cet après-midi, on attend 18 à Lens, 19 degrés à Rennes, 21 à Strasbourg et 25 à Aix-en-Provence. Et un petit coup d'œil sur notre week-end. Un temps pas terrible encore demain, mais retour du soleil dimanche. Bras d'honneur ou pas, le geste de Paul Pogba fait parler en tout cas. Le joueur de l'équipe de France est au centre d'une polémique. On l'accuse d'avoir fait ce mauvais geste en fin du match France-Albanie mercredi, ce qu'il dément fermement. Il affirme avoir été heureux du dernier but et explique avoir fait sa sarabande habituelle, rien de plus. Justement, on parle de l'euro. Hier soir, l'Allemagne a été tenue en échec par la Pologne avec un score final de 0-0. L'Ukraine est d'ores et déjà éliminée de la compétition après sa défaite 2-0 contre l'Irlande du Nord. Ce vendredi, 3 matchs à suivre. À 15h à Toulouse, l'Italie face à la Suède. À 18h en direct de Saint-Etienne, République tchèque, Croatie. Et puis à 21h, l'Espagne, double tenante du titre, va affronter la Turquie à Nice. Après des semaines de contestation contre la loi travail, le patron de la CGT va se rendre dans le bureau de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, ce matin. Un rendez-vous qui s'annonce tendu. 4 jours après la mort du couple de policiers dans les Yvelines, François Hollande va présider ce matin une cérémonie d'hommage. Hier, plus de 2500 personnes ont participé à une marche blanche entre le commissariat de Mantes-la-Jolie où travaillait la femme du couple jusqu'à leur domicile. Et puis une pensée pour les élèves de première qui passent aujourd'hui leur bac de français. Du français aussi pour les terminales technologiques et pour les filières générales. C'est la LV1 cet après-midi. Courage ! Il est 6h02. Bon réveil à tous et bonne matinée. C'est Bruno dans la radio. Radio. 6h02, minutes, c'est Fun Radio que vous écoutez. Bonjour. Bonjour. Oh putain, c'est vendredi. Oui, les amis, c'est vendredi. Faisons n'importe quoi. Réveillez-vous avec l'esprit du vendredi. L'esprit du vendredi, c'est un petit peu l'esprit des vacances. L'esprit des vacances, c'est qu'est-ce qu'on en a à foutre. On le travaille à 6h du matin, il est 6h03. Je suis en retard. Thug Life, allez hop là. Le son de Fun Radio pour vous réveiller ce matin. On va attaquer l'émission avec Calvin Harris, Rihanna, je vous l'avais dit. On fera monter la température. Et enchaînement à l'ancienne avec Sean Paul. Ce sera vers 6h15 et puis avant la nuit. C'est le nouveau Galantis. Nouveau Galantis s'appelle No Money. C'est si pauvre ça, Bruno. C'est qu'est-ce que je te dis. Il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour à tous. Il y a le grand, le seul, l'unique Vaché. Bonjour, rappelez-moi de pas essayer l'accent québécois, hein. C'est pas le truc que je maîtrise le plus. Bon, je me rends compte. Non, Elliot, n'essaye pas. Ah, moi, c'est celui que je sais le moins bien faire. Essaye quand même. Si moi, moi, ça, l'accent québécois, ouais. C'est celui que tu sais le moins bien faire. T'es sûr? Alors, essaye. Alors. Bonjour Calice de Chris. Alors je suis heureux de Québécois ici. Et c'est russe. Oui, c'est ça. Ah non, russe, oui, russe comme ça. C'est un citoyen russe qui a émigré au Québec. Ouais, et qui voilà. Est passé un petit coup, il a été un peu créole aussi sur les bords à un moment de sa vie. Tabernacle, bonjour. Merci à tous. Merci Eliott. Tabernacle, oui, c'est vrai, bien sûr, le chipotle. Il faut savoir s'arrêter à un moment. D'accord. Alors, ça va bien, Eliott. Oui, quand vous voulez l'accent. Oui, bonjour, ça suffit. Arrête. Le problème. L'accent russe. Avec la porte des accents, ouais, c'est ouais. Que quand on l'ouvre, après ils sortent tous en c'est même ça. Temps. Et ma quel accent italien, comment vous voulez dire. Tu sais que je vais tout taper. Après, donc arrête. Et d'accord. Alors. Merci, ça suffit. Allez, on attaque l'émission avec l'auditrice du jour. L'auditrice du jour ce matin, elle vient de chez moi, elle est de Charente-Maritime, ça fait plaisir. Elle a 21 ans, elle s'appelle Marine, elle habite à Foura, car on ne dit pas Fouras, ah oui, bordel de merde. On dit Foura. Applaudissements pour Marine. Ouais. Salut la famille. Bonjour. Comment ça va, ma Marine? Ça va. Ouais, et je vous le dis. Bah, super bien. On dit Foura, parce que les gens disent Fouras en regardant Fort Boyard. C'est Foura. Bah, parce qu'il y a un S et ils le prononcent. Eh bah, mais on le prononce pas, voilà. On dit pas tu verras. Marine, Foura, oui, parce que le père Foura, ça vient de la ville de Foura-les-Bains, parce que ça donne face à Fort Boyard. Voilà, je vous donne un petit peu. Les coulisses de l'émission, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà le front de mer de Foura. Oh là là. Mais bien sûr. Le guide touristique, vous voulez une pièce de 2 euros pour les informations. Le casino de Foura, les oui. Amis, où t'as pas une personne de moins de 85 ans qui vient jouer aux machines à sous. Je te jure, c'est vrai. C'est toujours pareil, Marine, on est d'accord. C'est toujours pareil. Bon, Marine, il paraît que t'as un coup de gueule à passer. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, j'ai un coup de gueule. En fait, je suis étudiante infirmière. Ouais. Et en cours, il y a toujours une personne à 5 minutes de la fin qui va poser une question, mais hyper chiante. Et le prof, en fait, il va répondre pendant 25 minutes. Et toi, t'es là, tu regardes ta montre, t'as des choses à faire après, t'as un train, t'as des rendez-vous. Ouais, mais et ça s'éternise. Mais Marine, tu sais quoi? Oui. Je crois que, quel que soit, là, toi, t'es en école d'infirmière, mais je crois oui. Quel que soit le cursus qu'on suive... Qu'on soit mm-hmm. Au lycée, en fac, au collège, etc. On a toujours ce gars-là qui, dans la classe, va juste avant la récréation, juste avant la coupure, juste avant la sortie des cours, dire « Ah, au fait, monsieur, je voulais vous poser une question. » Mais même au boulot, nous, je sais que quand on fait des réunions ici à Fun Radio, il y a un animateur ici à Fun Radio qui a toujours la question pour rallonger la réunion. Bien sûr. Cet animateur, c'est Greg qui arrive tout à l'heure à 9h. Ouais. Tout le temps, c'est tout le temps lui. Mais moi, j'étais de la team, ça sonne, je me casse. Moi, ça sonne. Au moment où la sonnerie se termine, il y avait déjà mon cahier de texte dans le sac, tous les livres. Nous, on avait essayé un truc, c'était d'enregistrer le bruit de la sonnerie, parce qu'on avait une sonnerie particulière, et de le diffuser sur un petit poste radio, tu vois. ça marche, hein. Ça n'a pas du tout marché. Ah bon? Absolument pas. C'est, souvent, c'est ça. À la fin du cours, t'as le prof qui dit, bon, c'est bon, vous avez tous compris, vous avez pas de questions, donc là, t'es en train de ranger ton sac, ouais. Et tu le vois, le gars qui fait, hey, monsieur! Oh. Et t'as toute la classe qui le regarde. Ouais. Ta gueule, Sébastien. C'est vrai qu'il s'appelle Sébastien en général. Souvent, ouais. Et souvent, Sébastien, même quand il est genre dans la cour de récré, tu vois, tout le monde est tranquille, en train de se détendre et tout. Ben lui, s'il voit un prof au loin, il décide pas aller. Monsieur, je voulais vous demander sur les atomes. Je suis un petit peu perdu. Mais kiffe ta vie, Sébastien. Enlève ta chemise. Va niquer des meufs. Laisse-les tranquilles, les profs. Marine. Oui. C'est en émission jusqu'à 9h15. Si tu veux intervenir n'importe quand, tu peux le faire. On te donne la ligne directe du studio. Et puis, je vais t'offrir le casque Bruno dans la radio. D'accord, ma chérie? Merci, la famille. Merci, Bruno. Passe une belle journée. Merci, à vous aussi. Bisous, ciao, la famille. Ciao. Bisous. Vous appelez le 3228. On va jouer au toutou gagné, toutou perdu, juste après Rihanna et Calvin Harris sur Fun Radio. Hi, this is Rihanna on Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Jean, vous avez choisi Fun Radio, mais vous faites bien la famille. Nous sommes les gardiens du son Dance Floor et même le son Dance Floor qui vient du passé est toujours chez nous. Nous avons un gigantesque grenier avec des disques. En fait, vous chauffez pas, c'est un ordinateur avec les sons à l'intérieur. Oui. Mais je trouvais que pour l'image, c'était joli quand même. Temperature, c'est Sean Paul qui va arriver sur Fun Radio. Tiens, et juste avant de jouer au toutou gagné, toutou perdu, puisqu'on est en train de parler de jeu, je voudrais quand même qu'on revienne sur un sujet qu'on a eu hier dans le bureau, un sujet qu'on a eu hier dans le bureau avec Elliot, ah oui. Puisque Elliot nous a avoué quelque chose. Bah, j'assume, je peux le redire à l'antenne. En gros, quand j'étais gamin, c'est tout jeune, j'étais au collège, j'avais qu'un seul rêve, c'est d'être, de ne pas manger à la cantine pour rentrer chez moi pour une seule raison, c'était regarder le juste prix. Attends, monsieur, s'il était petit, à mon avis, c'était le générique de l'ancien juste prix. Ah oui. Avec Philippe Risoli. Il y avait une voix. Elle s'appelle Martine, elle nous vient de Meurthe et Moselle. Elle a 36 ans, elle n'a peur de rien et elle va tenter de gagner un beau cadeau. Ouais, il faisait tourner le micro comme ça, il le rattrapait. Bonjour, c'est Philippe Risoli. Non, il parlait pas comme ça. Je sais pas. Et en gros, j'étais fan et en gros, la semaine, je pouvais pas voir et je poussais le vis plus loin, j'enregistrais la semaine et je me refaisais tout le week-end avant la vitrine du dimanche. C'est improbable. Vraiment. Non, ma mère, je l'obligeais. Ma mère, elle avait un rituel. Elle rentrait de son boulot le midi pour appuyer sur enregistrer et ouais. Tout. J'avais mon juste prix de la semaine. Peut-être que tu peux le retrouver en streaming hein, sur certains sites. La saison 1 du juste prix. Non, mais ceci dit, pour la défense d'Eliott, quand t'es petit, tu bloques parfois sur des trucs un peu improbables, c'est vrai. T'es fan de trucs un peu ridicules ou normaux, ça dépend quoi. C'était quoi toi? Moi j'étais fan de Formule 1. Mais vraiment, je regardais tous les grands prix avec mon père. J'ai même, je suis même allée sur des grands prix. Il m'emmenait avec lui et tout. Je connaissais tous les noms des pilotes à l'époque par cœur. Donc, il y avait Mansell, Damon Hill et tout. Bon, si vous êtes fan de Formule 1, ça va vous parler. Sinon, pas du tout. Et j'étais archi fan. J'ai fait un blocage dessus. Bah, chier, t'étais fan de quoi, toi? Moi, d'un seul et unique truc, j'avais des posters partout et je regardais tous les soirs, c'était les filles d'à côté. C'était une série, en fait, hyper mal jouée, j'avoue. Mais quand j'étais petit, je trouvais ça super. Et donc, c'était deux mecs qui étaient en coloc et qui essayaient de pécho les filles à côté. C'était génial. Ouais, c'est ça. Mais ça, là, c'est tu les voyais dans le générique avec des gros sourires, genre. Moi, les filles d'à côté, je vois exactement ce que c'est parce qu'en revenant de boîte bourrée, ça passait la nuit sur j'ai plus c'est quelle vrai. Chaîne. Bien sûr, ouais. Et je pouvais keblo dessus. Tu sais, tout ça. Mais d'ailleurs, dedans, il y avait Gérard Vives qui après a été juste prix. Mais putain, on est pareil, on est frères. J'étais grand, c'était avec Vincent Lagaffe, celui-là. C'est quoi? Et on peut lancer le sujet. 32-28, voilà, venez nous dire les blocages que vous avez fait quand vous étiez petit. Des trucs dont vous étiez éperdument fan, un peu moins aujourd'hui, ça peut être des trucs à la con comme une émission de télé. 32-28, on fait de la radio ensemble. Ou alors avec le hashtag Bruno Fun Radio, là, sur Twitter, sur Instagram, vous le savez, vous laissez vos messages. L'avantage avec le Twitter de Bruno dans la radio, c'est qu'on lit vos messages. Oui. Voilà, et puis on y répond, en général aussi, on essaye. Et d'ailleurs, si quelqu'un qui écoute connaît celle qui jouait Magali des filles d'à côté, c'était la plus jeune, je pense qu'aujourd'hui elle est encore assez potable. Franchement. Non, j'étais fou amoureux d'elle, juste un verre, c'est tout ce que je demande. Verre, allez, 6h15, c'est Fun Radio. Fun Radio. Audrey a 28 ans. Audrey, elle habite à Montbéliard. Applaudissements pour Audrey. Salut la famille. Bonjour Audrey. Ça va ma chérie Audrey, tu fais quoi dans la vie à Montbéliard? Je suis opératrice en horlogerie, mais je travaille pas à Montbéliard. D'accord. Travaille en Suisse. Tu travailles en Suisse, t'es opératrice en horlogerie. C'est ça. Audrey. Oui. En arrivant à l'instant à l'antenne, tu as gagné un séjour au parc Astérix pour 4 personnes. Tu as gagné 300 euros à dépenser sur showroom privé. Tu as gagné une enceinte et tu as gagné ta compil Fun Deep House. Et ben on va essayer de garder tout ça. Et ben le truc c'est qu'il va falloir les garder, ben Audrey. Mais oui. Et pour les garder, il va falloir répondre correctement à 4 questions que je vais te poser. Chaque mauvaise réponse te fera perdre un cadeau. Nous sommes d'accord? On est d'accord. Et ben c'est parti. Les blattes. Les blattes, ce sont les cafards. Mmh. Les blattes peuvent vivre entre 7 et 9 jours sans leur tête. Je vais vomir. Ah. C'est-à-dire, on leur coupe leur tête, et ben qu'est-ce qu'ils en ont à branler? Hop, elle rentre à la maison, leur femme dit « Dis donc Bernard, j'ai l'impression que t'as perdu quelque chose. » Alors lui ne peut pas répondre, il a pas de tête, mais il va se coucher. Je l'avais dit qu'un jour t'oublierais même ta tête. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, je vais dire vrai, c'est tellement bizarre que ouais. Mais bien sûr, c'est vrai. C'est dégoûtant. Ah, ça me dégoûte, les blattes. On a souvent eu des blattes dans l'émission. Il faudrait qu'on refasse revenir les blattes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fermé les blattes. Tu gardes tous tes cadeaux. Deuxième question, Audrey. Les Chinoises doivent demander l'autorisation à leur entreprise pour tomber enceinte et doivent prévenir au moins un an à l'avance. Combien? Un an. Est-ce que t'es vrai? Est-ce que t'es faux? C'est pas possible. Vu que c'est un pays un peu bizarre, je dirais vrai. Oui, c'est vrai. Karaté! C'est vrai. Mais quand même, c'est quand même incroyable. Comment tu peux prévoir que tu vas tomber enceinte un an après? C'est ridicule, non? Tu dis, alors écoute, ce soir, je vais avoir un rapport, ça va nous faire... je vais peut-être m'y mettre maintenant. Voilà, c'est ridicule. Une main courante, je sais pas. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Tu gardes tous tes cadeaux, Audrey? Ouais. Troisième question. Audrey, t'as des enfants? Oui, j'ai une fille. Très bien. Le plus grand yo-yo du monde qui fonctionne parfaitement, tu vois ce que c'est un yo-yo? Oui, quand même, oui. Mesure plus de 3 mètres de diamètre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pour les plus jeunes d'entre vous, je le dis, un yo-yo, c'est un truc qui est au bout d'une ficelle et que tu fais monter et redescendre, la ficelle s'enroule sur un axe, et voilà, c'était un truc, ça a été très à la mode à une époque, c'est même revenu dans les années 80. Mais t'en trouves encore aux caisses, en général, à la grande récré et tout. En général, c'est toujours une tante à toi, une tante qui s'habille chez Dizzy Gwall, qui veut te faire un cadeau d'anniversaire quand t'as 8-9 ans, qui veut te faire plaisir, qui a été l'acheter dans un magasin qui ne vend que des jouets en bois, et qui est dans un délire à chier dans de la sueur et tout ça, tu vois, cette tante un peu... un peu punk à chien, qu'on aime bien, mais qui est un peu chiante avec ses cadeaux quand nous on voulait la PS4. Alors, c'est vrai ou c'est faux ce yo-yo de 3 mètres de diamètre ? Je verrais pas trop l'intérêt, mais vrai quand même. Eh ben, c'est vrai, ouais. 3,35 mètres de diamètre, 22 centimètres de largeur, il pèse plus de 2 tonnes. Ce jouet a pris un an et demi de construction et il est parfaitement fonctionnel, il est accroché à une grue. D'accord, oui, parce que si tu le mets à ton doigt, il te l'arrache. Hein, c'est ça. Bon, Audrey, tout va se jouer sur la dernière question. Oui. Avant de devenir pape, le pape Pie II avait publié un roman érotique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vrai. Et c'est toutou gagné. Oh là là là là, ça fait si longtemps que c'était pas arrivé, cool. Ça me fait plaisir. Écoute-moi moi aussi, bien, ça me fait Audrey. Plaisir. Tu vas partir au parc Astérix avec trois de tes potes, d'accord? Oui. Entrée gratuite pour 4 adultes sur 2 jours. Il y a donc la nuit à l'hôtel qui est prévue. C'est en demi-pension, donc tu auras un repas. Je t'offre 300 euros de fringues que tu vas pouvoir aller dépenser dès ce matin sur showroomprivé.com. Il y a toutes les marques. Je t'offre ton enceinte portable Philips et la compile Fun Deep House. Ok Audrey? C'est super, merci beaucoup la famille. Eh ben de rien, passez un bon week-end ma chérie. Merci, vous aussi. Bisous. Vous bisous. Écoutez Fun Radio, vous avez été fan de quelque chose quand vous étiez petit, eh bien venez nous en parler, vous appelez le 3228 ou alors par Twitter, hashtag Bruno Fun Radio. Hey yo, this is Sean Paul, the guys, I'm overall. When I come to France, you know I'm listening to Bruno on Fun Radio. Thunderball, some give it up, some give it up, some give it up to our girls. 5 million and 40 naughty shorty, baby girl, all my girls, all my girls. Thunderball say, well, I'm on the way, the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. I see the girl them broke out on the floor. From you don't wanna work this performer. From you don't wanna man where can't turn you on. Girl, me can see you when them upon ya. Can't stand for the long, no eat no yam, no steam fish, no green banana. But down in Jamaica, we give it to you hard like a sauna. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. And girl, you got it just out. But you know we a sad car, girl, you're impressed out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make it stress out. Me have it flatty because me God bless out. And girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it is to my test out. Well, I'm on the way, the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. I'm crazy now, this street drop it and a Bridget and flavor show. Ooh, ooh. Time for a make baby now, so stop boy like you, I get shady, yo. Ooh, ooh. Woman, don't blame me now, cause I'm a fits and fat, not greedy, yo. Ooh, ooh. My loving is the way to go, my loving is the way to go. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. When you roll with a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, the spark it right here, keep it undercover. Come in love, all your fits in your blouse, and your fat in your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Because of the girl, them broke out on the floor. From you don't wanna work this performer. Oh, oh. From you don't want a man where you turn you on, girl, man can see you when them upon ya. Can't stand for the long, no eat no yam, no steam fish, no, no green banana. But down in Jamaica, we give it to you hard like a sauna. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Fun Radio, c'est la famille. Tous les matins dans la famille, il y a Sébastien Petit là, qui a tweeté avec le hashtag Bruno Fun Radio. Je le dis souvent, mais c'est vrai que sur Twitter et sur Instagram, dès que vous mettez le hashtag Bruno Fun Radio, nous on est constamment pendant toute l'émission sur notre ordinateur, donc on voit vos messages et on y répond tous. Hein. Et là, Sébastien, il a mis une photo. Il dit, je suis dans la merde en attente de la dépanneuse qui sera là dans 2 heures. Je compte sur vous. Je crois qu'en fait, il conduit un camion poubelle et il a mis la photo du camion. Il est en pleine forêt, le gars. Bon courage. Et au moment où on est en train de parler, il doit être tellement content d'avoir cette voix dans la nuit. Seul au milieu des bois avec son camion poubelle. Bah, Sébastien, on est de tout cœur avec toi, mon pote. Hein. Tiens, il y a une étude qui a été réalisée par des experts et qui est publiée par le New York Times qui révèle qu'il faut faire 6 fois quelque chose par semaine pour que son couple dure plus longtemps. Mais d'après vous, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est se mettre dans les bras l'un de l'autre, se lover, tu vois. Oh. Oh, je pense que c'est mentir, moi, plutôt. T'étais où hier soir ? Avec un pote. Il s'appelle comment ? Sandrine. C'est un prénom de garçon ? Oui, oui, c'est parce qu'en fait, s'il est italien et là-bas, on peut s'appeler Sandrine. Ah d'accord, j'ai eu peur. Bon, je t'ai fait des pattes. On va en parler là dans quelques secondes. Si vous avez une idée, vous appelez le 3228, puis on va écouter Galantis avec No Money. Bruno dans la radio, c'est vous au 3228. Elliot nous a avoué tout à l'heure que Petit, il était fan du Juste Prix. Grand fan. Mais ouais. Je vois pas pourquoi t'as eu honte. Moi, je peux t'avouer quelque chose. Alors, c'était pas petit, mais tu vois, le réflexe que t'avais, toi, de pas aller bouffer à la cantine pour pouvoir rentrer chez toi voir le Juste Prix. Ouais. Moi, j'ai eu le même pendant très longtemps, quand j'avais 18 ans. Tu vois, mon premier appart, j'étais tout seul. Et je rentrais pour regarder ça, moi. Alors ça, c'est l'ancien générique. Je mets le générique de l'époque. Les amours. Ouais. À l'époque où c'est Jean-Luc Reichmann qui présentait, bien sûr. C'est la honte, ça. Bah, mec, pas plus que le Juste Prix. Ouais, non, j'avoue. Mais je regardais, moi, j'aimais bien quand les couples ils passaient sur la banane et tout ça. Je regardais aussi. En vrai. Ils se tapaient sur la tête avec les cartons. Là, maintenant, c'est un peu plus moderne. Tu vois, j'ai un peu lâché l'affaire. Mais à l'époque, j'aimais bien. Ça te fait un point commun avec Alison Delphine qui a utilisé le hashtag Bruno Fun Radio. Elle dit aussi que elle petite, elle adorait regarder les amours. Mais oui, tu vois, vous êtes pareil tous les deux. Tu prenais pas la tête. Je me souviens, je faisais cuire des pommes noisettes dans mon four, mon petit four électrique. Bien sûr. Voilà, tu sais, les premiers pas que tu te fais tout seul en célibataire où t'as l'impression d'être un grand cuisinier, alors qu'en fait tu bouffes de la merde. Mais tu t'en fous, t'es chez toi. Il y a Morganou sur Twitter qui dit, moi j'étais fan petit du Big Deal. Ah oui! Ah bah ça! Bill! Ah mon ami Vincent! Ah c'était chiant! Non, c'était génial, on y croyait vraiment. Moi je croyais qu'il existait vraiment ce truc là. Moi aussi. Après, j'ai vu Pierre Ménès, je me suis dit c'est lui, c'est pas lui. Mais non. Moi j'avais acheté la peluche vachée. Damien, il a 28 ans, il habite à Bordeaux. Bonjour Damien! Bonjour la famille! Bonjour! T'étais fan de quoi quand t'étais plus petit? Ah, Dragon Ball Z. Ah! Ouais, c'était génial. Ah ouais. Est-ce que j'étais le seul petit garçon qui regardait pas parce que je trouvais ça trop violent? Moi je trouvais qu'il y avait du sang et tout, c'était horrible. Moi aussi ça me faisait peur. Elliot, sérieux? Ouais. Bah oui, mais tu sais, Elliot, il a peur de tout. Hein, donc... Ah, c'était trop bien. Donc globalement, oui, je peux comprendre. Dragon Ball Z, Damien, je vais t'avouer quelque chose, je suis passé complètement à côté. Ah ouais, bah après, c'est une question de génération, je pense. Oui, parce que toi, dans les années 20, il y avait. Enfin, c'était non, mais quoi? Il n'y avait pas la télé, je crois, si. C'était des spectacles de marionnettes sur la place du village. Voilà. Damien, je t'embrasse, mon pote. Marine, elle est à Arras, elle a 25 ans. Bonjour, Marine. Salut, la famille. Salut. Quand t'étais petite, t'étais fan de quoi? Alors moi j'étais fan du groupe Tragédie. Oh là là. Oh là là. C'est interdit. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. J'adore. Est-ce que tu me sens? Eh oh. Je suis au chômage. Eh oh. Non, et pour la vanne, ils viennent de ressortir un album. Et alors, avec Bruno, donc on était à Nantes hein, vendredi dernier, on est allé faire un tour à la station de Fun Radio Nantes. Ouais. Et à l'époque, c'est vrai que moi, j'y travaillais et on avait reçu les tragédies. Il y a encore leurs autographes sur la porte du studio. Ils n'arrivent pas à les enlever, ils frottent avec l'éponge. Ça part pas. Non, mais c'est énorme quand même. Marine, mais est-ce que genre, t'avais des posters des tragédies? Ah, mais carrément. Hein. Alors, tu vas me dire quel était le nom des deux chanteurs du groupe Tragédie. Tizzy Bone et Silky Shy. Ouais. T'es forte. Je t'embrasse, Marine. Cindy à Lyon. Bonjour, Cindy. Bonjour, la famille. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Tu fais quoi? Bonjour, Bruno. Ouais. Alors, tu sais quoi? Hey, Cindy, tu fais bien de soulever ce sujet parce que tu fais allusion à la polémique de Jean-Marc Morandini par rapport aux audiences soi-disant truquées de Fun Radio. Je m'en suis expliqué hier soir sur TF1 chez Arthur. J'ai vu. Voilà, et je vous expliquerai à vous, auditeurs de Fun Radio, qui devez voir passer des messages sur Twitter, Facebook, et sur des sites de presse, dans les journaux, etc., partout. Donc, je vous expliquerai voilà ce qui se passe. Je vous expliquerai pourquoi et Fun Radio et moi-même, d'ailleurs, on a porté plainte. Et puis, vous allez comprendre, voilà, c'est une campagne... qui est destiné à déstabiliser Fun Radio, qui cartonne dans les audiences. Je vous expliquerai tout à l'heure, aux alentours, je sais pas, je le ferai un peu avant 8h. C'est des trucs d'adultes, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est des trucs de grands. En fait, Cindy, ma chérie, alors dis-moi, t'étais fan de quoi, toi, quand t'étais petite? Ah, moi, j'étais fan du dessin animé Denver. Ah, et... ah ouais. Générique. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, c'était trop bien. Je pense qu'on a tous voulu avoir un petit dinosaure à la Denver, maison. Denver, le dernier dinosaure. Mon ami, il est encore. Cindy, tu reviens en enfance. Ça fait plaisir. Oh, mais grave. Je te fais des bisous, ma chérie. Des gros bisous. Passe une belle journée du côté de Lyon. Bon, Galantis, je vous ai dit. Hein. Oui. Bah, chose promise, chose due, ça va arriver. Et puis, on aime toujours, nous, le son d'Amir. Chiffre du jour qui arrive dans quelques minutes sur Fun Radio. On va arriver juste après les infos. Vous écoutez la première radio Dance Floor de France. Bon réveil. Monsieur l'étonné plane dans un parc public quand il croise Monsieur Papillon tenant une bouteille en plastique vide à la main. Monsieur Papillon, pourquoi ne jetez-vous pas cette bouteille vide? Demande-t-il perplexe. Cette bouteille en plastique est peut-être vide, mais elle est pleine d'avenir, rétorque superbement Monsieur Papillon. Alors je ne veux pas l'acheter, mais la mettre dans un bac de tri pour qu'elle soit recyclée en nouvelles bouteilles, ou en ours en pluche, ou en oreiller, ou en beaucoup d'autres objets du quotidien. Vous voulez savoir comment? Allez sur ecoemballage.fr. On a une nouvelle fois ce matin à vous offrir la Golden SIM de Bouygues Télécom. Elle est géniale cette carte, elle va vous permettre pendant 2 ans de téléphoner complètement gratuitement, d'avoir accès à la 4G Bouygues Télécom en illimité. Les appels, les SMS, les MMS illimités pendant 2 ans et on va vous l'offrir ce matin avant 7h30 sur Fun Radio. Fun Radio, le son Fla. Mais avant tout ça, c'est Justine Salmon qui fait l'info là sur Fun Radio. Salut ma Justine. Salut mon Bruno, bonjour à tous. Alors j'ai cru voir un peu de soleil qui se profilait à l'horizon de ce week-end. Oui, dimanche seulement. Avant, bah, ce ne serait pas terrible, toujours pas de changement. Les chanceux se trouvent quand même dans le sud-est. Soleil ou éclaircie prévu en Méditerranée. Les températures, ça va de 8 à 14 degrés ce matin. On aura cet après-midi 16 à Caen, 17 à Clermont-Ferrand, 20 à Paris et 22 degrés à Cannes. Et donc si on regarde notre week-end, demain la même, mais ça va s'arranger à partir de dimanche. Hommage aujourd'hui au couple de policiers tués dans les Yvelines par un djihadiste. François Hollande présidera ce matin une cérémonie à Versailles. Elle se déroulera en présence de leur famille, ainsi que de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Le petit garçon du couple âgé de 3 ans sera déclaré pupille de la nation. Réunion au sommet au sujet de la loi travail. Myriam El-Khomri va recevoir ce matin le patron de la CGT. Un face-à-face qui s'annonce tendu puisque pour la ministre, il n'est pas question de rouvrir une négociation sur ce projet de loi. Une tragédie en Angleterre. Jo Cox, députée pro-européenne, a été tuée par balle hier en pleine rue. Elle a été abattue par un homme de 52 ans. L'agresseur a été arrêté. Il aurait crié « Le Royaume-Uni d'abord » à une semaine d'un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. La campagne a été interrompue. En plein euro, Paul Pogba a créé la polémique. Il est accusé d'avoir fait un bras d'honneur aux journalistes lors du match France-Albanie, ce qu'il dément fermement. Il explique juste avoir fait sa petite danse de la victoire pour exprimer sa joie après le dernier but des Bleus. Et puis sur le terrain, hier soir, match nul 0-0 entre l'Allemagne et la Pologne. C'est fini pour l'Ukraine aussi, après une deuxième défaite hier face à l'Irlande du Nord. Aujourd'hui, on a trois matchs à suivre, notamment à 21h, l'Espagne, double tenante du titre, qui va affronter la Turquie, ce sera à Nice. Il est 6h32 et c'est Bruno dans la radio. Yeah! Jusqu'à 9h. Bruno! This is Bruno. I love this station! 6h32, c'est Fun Radio, vendredi, nous sommes le 17 juin. Tout à l'heure, tu vas nous parler de chats, Christina, je crois. Oui, dans le Christina aime ça. Ouais, monsieur Christina... Je sais que t'aimes pas trop les chats, mais j'ai une belle histoire à vous raconter. Bah, tu sais quoi, j'irai faire autre chose, moi. J'irai chercher des cafés. Les chats ne passeront pas par moi. Amir, ça arrive sur Fun Radio. On aura Imani aussi, et puis aujourd'hui c'est vendredi, le vendredi en général on vous sort le petit bootleg du vendredi. Le petit mash-up du vendredi, qu'est-ce qu'il y a dedans le mash-up de ce vendredi? Eh ben je vais vous mettre un petit extrait là dans une dizaine de minutes. On en a eu des bons. Moi j'aime bien quand ça mélange des vieux sons avec des nouveaux sons, des trucs un peu ouf. Ben vous allez découvrir ça là sur Fun. Pour l'instant, chiffre du jour. C'est le chiffre du jour. Et cette question que je vous ai posée, que faut-il faire 6 fois par semaine à votre avis pour que votre couple dure plus longtemps? C'est très sérieux, c'est le résultat d'une étude qui a été réalisée par des experts et qui a été publiée par le New York Times. Christina nous disait qu'il fallait se dire « je t'aime ». Non, c'est pas toi qui non, se lever, se mettre dans les bras l'un de l'autre, tu vois, juste prendre un peu l'énergie de l'autre. Qui c'est qui m'a dit ça? Il y a quelqu'un qui m'a dit en antenne, c'est qu'il faut se dire « je t'aime ». Je sais pas, c'est quelqu'un qui a dit ça, qui est parti en courant, peut-être. Non, ouais, c'est Carina, des voix, peut-être. Non, c'est Carina du JPI, je crois, qui m'a dit ça. Elliot. Est-ce que c'est pas faire l'amour? 6 fois par semaine, c'est fou, impossible. Et Julien, il est sur le même axe que toi. Ça va, ouais. Julien, Aix-en-Provence. Bonjour, mon pote. Bonjour, la famille. Bonjour, Bruno. Bonjour. 6 ouais. fois par semaine, tu fais l'amour, toi? Non, je disais pas l'amour. Moi, je pense que c'est plutôt le câlin, bras dans les bras, les papouilles, les trucs comme ça. Voilà. D'accord, plus le côté hug. Ah oui, là, d'accord, le, ça, le j'entends. Frigue, là, voilà, le truc gratuit, voilà, qui mange pas de pain devant la télé. Ou, voilà. Quand tu dis le truc gratuit, ça veut dire que quand tu fais l'amour, tu payes, Julien? C'est un lapsus. Non, ouais, ouais. Sinon, c'est qu'elle t'aime pas vraiment. Hein, s'il reste à la maison. C'est ça. Et ça te coûte très très cher. Julia, c'est pas le câlin. Je t'embrasse, mon pote. C'est pas faire l'amour non plus. Putain, s'il faut faire l'amour 6 fois par impossible. Semaine pour que ça se passe bien dans le couple, bon, bah, autant dire que ça va être compliqué. Hein. Même 6 fois par mois, en tout cas. Hein, ouais, 6 fois par an déjà, tu sais quoi. 6 fois déjà dans toute ma vie, si j'y arrive. Justine, elle a 19 ans, elle est à Paris. Salut, Juju. Salut la famille. Salut. Coucou. Justine, qu'est-ce qu'il faut faire au moins 6 fois par semaine pour que ton couple dure? Faut se disputer et se réconcilier de plus belle. Moi je suis pas de cette école. Ouais, hein. L'école de se disputer tout le temps. 6 fois par semaine, c'est beaucoup, ouais. C'est quasiment tous les jours tu gueules, quoi. 19 ans, t'es en couple déjà ou pas, Justine? Non. D'accord. Tu verras quand tu seras en couple. 6 fois par semaine, tu dois t'engueuler. C'est fatigant. Moi qui supporte pas le conflit, moi je suis un peu le Mahatma Gandhi des couples. Moi je m'engueule jamais. Moi pareil, je préfère faire la gueule. Pareil. Ah ouais, c'est vachement plus agréable. Je préfère me barrer. Je préfère me barrer pendant 6 mois en Himalaya, comme ça je fais le vide et je reviens. Mais je crie pas. Et tu sais qu'il y en a plein à l'inverse de nous. Hein. Par exemple, moi, mon meilleur pote, il aime bien rendre jalouse exprès sa meuf pour s'embrouiller. Ça, je comprends pas. Du coup, il se dit, ouais, elle est jalouse, du coup, elle tient à moi, ça veut dire. Oh, c'est ridicule. C'est elle m'a quitté, du coup, ça veut dire qu'elle tenait à moi, c'est génial. Justine, je te fais des bisous, ma chérie. Passe une belle journée. Tu fais quoi dans la vie à Paris? Je suis vendeuse à Zara. Vendeuse chez Zara. Bonne journée. Bonne journée chez Zara. Calme-toi. Dès qu'on parle de boutique. Non, dès qu'on parle de Zara. Dès qu'on parle de Zara, ouais. T'es en transe, t'as un problème. Pour faire durer un couple plus longtemps, il faut se dire au moins 6 fois par semaine le mot merci. Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai qu'on se le dit pas beaucoup, remarque. En couple. Ouais. Oui, c'est vrai, on fait souvent des choses l'un pour l'autre et on se dit pas merci, c'est genre normal en fait. Ouais. Sinon, il y a Fonf qui a une bonne solution. Dès le premier jour de la semaine, tu dis merci, merci, merci, merci, merci, merci. Et après, t'es tranquille pour tous les 7 jours. Non, mais c'est vrai, c'est important de se dire merci. Mais oui, voilà, quand l'autre prépare à manger, tu lui dis merci. Mais bien sûr, quand toi tu prépares l'émission, on te dit merci la gueuse. Ouais. C'est important, c'est vrai. 6h36, vous écoutez Fun Radio. On va avoir Marion. Marion a eu une loose, ce sera la loose du jour. Elle va nous en parler là dans 3 minutes en direct sur Fun Radio. Mais pour l'instant, chose promise, chose due, le nouveau Galantis découvert chez nous. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. C'est le nouveau Galantis découvert chez nous, ça s'appelle No Money. Imani, don't be so shy, ça arrive. Et dans moins de 5 minutes, Amir, you're the one. Mais pour l'instant sur Fun Radio, j'ai envie d'accueillir celle qu'on pourrait appeler peut-être la louseuse du jour. Bonjour Marion. Bonjour Bruno, bonjour les amis. Bonjour. Tu fais quoi dans la vie à Perpignan, Marion? Eh ben moi je suis commerciale. Commerciale, tu vends quoi? Tout ce qui est équipement routier, en fait je travaille dans les travaux publics. D'accord, ok. C'est très intéressant. Donc en voiture, mais tout est très intéressant. Oh là là. Et je vais te dire un truc, chaque boulot est intéressant à partir du moment où tu le fais. Ma chérie, dis-moi, du coup t'es sur la route toute la journée? Oui. Et bah, tous les matins je vous écoute, voilà. Très bien. Eh ben écoute, si t'écoutes Fun Radio, j'ai pas envie de te dire dis-le, parce que maintenant, sinon je vais finir en prison. Mais ouais, c'est gentil d'écouter. Écoute-le en cachette, surtout, ne le dis à personne et tu fermes les volets, ouais, c'est gentil. Voilà. Ne dites pas que vous écoutez Fun Radio, ça non, risque non, de se savoir. Oh là là. Marion, qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi. Ah, catastrophe. Bah, hier, en fait, on était dans mon lit avec mon chéri, on se faisait un petit câlin. Mmh. Et à un moment, on entend... Et là, catastrophe, on se rend compte qu'en fait, mon copain s'est appuyé sur mon téléphone avec le coude. Et là, il ne fonctionne plus, il est complètement désactivé, enfin, il ne s'allume même plus. Et le m'a fait la même chose il y a 15 jours. Donc, bon. Voilà. Donc, ouais, c'est pour un iPhone 5C, il vient de mettre presque 300 euros en équipement. Merde, t'as cassé son téléphone en faisant un câlin. Alors que je peux vous dire qu'avec la vie sexuelle qu'on a avec ma femme, les téléphones ils sont nickel. Ah ouais. Pas une rayure. Et donc t'es quitte à changer la vitre, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. On y retourne cet après-midi pour aller changer la vitre quand j'ai un petit moment. Bon, bah écoute, sinon, troque ton téléphone, tu sais quoi? Au lieu de lui filer un iPhone, tu lui files un iPhone. Rapport à ce que vous avez fait, quoi. Il est là, mon comique. Marion. Oui. Je te fais des bisous, ma chérie. Des bisous, la famille. Bisous. Passez une belle journée. Merci de m'avoir appelé. Vous aussi, vous voulez faire de la radio avec moi, c'est extrêmement simple. Un seul numéro, c'est le 3228. Et sur les réseaux sociaux, il y a le hashtag Bruno Fun Radio. On va revenir en direct dans quelques secondes. Christina a une info concernant les chats. Oui, je sais, mais elle va te plaire, Bruno. C'est une belle histoire. On aime bien les histoires qui se terminent bien. Moi, je les adore. Regarde, Yulan. Oh. Viens, Mimine. Oh. Allez, à tout de suite. Le week-end, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maëva Carter, Mico C, Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Bonsoir et bienvenue sur Fun Radio. Party Fun démarre maintenant. Welcome in the biggest club in France. La première émission Dance Electro en France le week-end. Party. C'est Party Fun. Et ce soir, à minuit, Don Diablo. À 2h, Bob Sinclair. Et à 4h, Sébastien Bennett. En DJ set sur Fun Radio. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, Fun Radio. Sur iPhone. Radio. 6h-9h sur Fun Radio. Bon réveil la famille, 6h47, vous avez choisi Fun Radio. Vous aurez dans quelques secondes les Chainsmokers. Et le Vacher Time qui va arriver, 7h du matin, vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Qu'est-ce qu'on a ce matin, mon Vache-Vache ? Un détecteur de mensonges. Ah, j'adore ! Voilà, j'appelle des gens pour leur dire que s'ils veulent gagner un beau cadeau, il faut qu'ils répondent à des questions en disant toute la vérité. Et ils pensent que je suis une machine parce que je parle de manière un peu robotisée. Il y a un extrait. On écoute. Question personnelle. Quel est votre plus gros défaut que vous ne supportez plus ? Oula, je sens des pieds lorsque je suis en tennis. Ok, vous êtes rangé dans la catégorie participant sexy. Ah bon ? Et c'est que le début, va. Sexy Imagine. Mamie n'a pas fini de dévoiler ses secrets. Si ça existait vraiment. Et par exemple, Vacher, est-ce que t'as déjà trompé ta femme ? De quoi ? Tu parles de quoi ? Est-ce que t'as déjà trompé ta femme ? Non. Mais ça dépend ce qu'on appelle tromper. Parce que moi, en fait, j'ai jamais embrassé d'autres filles. C'est ça. Ça, j'ai jamais embrassé d'autres filles. J'ai que couché. J'ai jamais mis la langue. J'ai trop de respect pour elle. 16h48. Christina aime ça. Moi j'aime bien les messages que vous mettez sur Christina avec le hashtag Bruno Fun Radio, parce que c'est vrai que souvent les gens reprochent aux filles qui travaillent en radio de faire plante verte, donner l'horoscope. Faut dire en disant, vous écoutez telle radio, il est 6h48. C'est bouché sur l'autoroute A13. C'est vrai que nous, voilà, Christina n'est pas là pour faire pot de fleurs, elle est là pour faire Christina. Et donc, elle a des coups de cœur. Et alors là, c'est une histoire. Elle a essayé de me la placer en me disant, c'est une histoire de chat. Ben oui, alors je sais que t'aimes pas les chats, Bruno, mais Vacher et moi les adorons, les défendons. Et franchement, c'est une belle histoire que je voulais vous faire partager ce matin. Donc, je vous emmène dans le Wisconsin. Je vous emmène dans le Wisconsin. En fait, il y a un bébé chat, d'accord, qui a voulu se reposer. Il était un petit peu fatigué, il était tout petit, donc voilà, il a essayé de se trouver une petite place au chaud. Sauf qu'il s'est mis sous le capot d'un camion, parce que c'était tranquille et il pensait faire sa petite sieste à la cool, tu vois. Ouais. Sauf que le camion, il a fait quoi ? Il a démarré. Oh non. Bien sûr. Oh non, il est parti très très loin. Et le chat, il a cramé ? Non, il a fait 500 km le camion quand même. Hein. Et au bout de 500 km, le chauffeur se dit, bon, je vais faire une petite pause. Il descend de son camion et là, il entend des petits miaulements. Il dit, de quoi ça vient ça ? Et donc, il va voir sous le capot et là, il y avait le chat. Et pourtant, à cet endroit-là, il y a quand même le moteur qui chauffe de ouf. Il y a l'huile et tout. Rien ne l'a touché, il avait même pas une trace d'huile sur lui. J'adore. La nana qui connaît rien en mécanique sous le capot, il y a quand même le moteur, il y a l'huile, il y a le liquide lave-glace et tout. C'est chaud quoi, ça chauffe. Et donc, il a trouvé ce petit chat qui était en parfaite santé. Vraiment, il a eu une chance inouïe, c'est quasi, ça relève du miracle. Et donc, comme il savait pas à qui il appartenait, il a décidé de l'adopter. Et donc, il a surnommé ce petit chaton Tiger. Tigre, donc, et ils vivent ensemble maintenant. Oh, c'est une belle c'est histoire, mignon. Non enfin, ils vivent ensemble, ils sont genre de propriétaires en tout à animal. Oui, d'accord. Mais les amis, c'était calculé. Quoi, c'était calculé ? C'était calculé, mais je vous l'ai dit mille fois, il faut que je fasse quoi ? Je vous le répète, les chats sont là pour conquérir le monde, bordel de Dieu. Je vous le dis tous les jours depuis 5 ans. Et le jour où vous serez sous le joug des fans, des chats, vous vous direz, mais mon Dieu, il avait raison. Voilà. Ce petit chat, il a été envoyé par le roi des chats qui lui a dit, accroche-toi sous ce camion et tu vas voir, il va t'adopter. Tu crois ? Et comment il s'appelle, le roi des chats ? Il s'appelle King Cat. Ah ouais ? King Cat, de doigts coupés. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vendredi, non, aujourd'hui ? Ouais, ouais. Ah, bah, c'est pour ça. Cherchez pas, sinon les autres jours de la semaine, ça va bien, vraiment. Le JPI arrive dans 3 minutes sur Fun Radio, journal pour une image, faux journal de l'émission. Le temps d'écouter Amir. J'ai cherché, c'est sur Fun. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as sûr, c'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Oh, you, you, you, you, you. Le vendredi, on a un délire, on vous passe un mash-up. C'est le bootleg du vendredi, voilà, c'est une petite exclue Bruno dans la radio. On vous en sort un tous les vendredis. Et le mash-up, c'est quoi? C'est un mélange de plusieurs morceaux. J'aime bien quand il y a un peu de rock dedans parce que j'aime bien aussi le rock. Christina, je voulais te faire plaisir ce matin. C'est vrai? Parce que je t'aime et j'avais envie de te le dire. Merci, c'est gentil. Le groupe de rock dont tu es fan? Les Red Hot. Là, tu te dis, ça n'a rien à voir avec les Red Hot Chili Peppers. Non. Et ben pourtant, si je te passe un autre extrait du bootleg, t'as ça. Oh, fort. Et il chante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, le chanteur s'appelle Anthony Kiedis. Il fait de moi sa chose quand il veut. Ouais. Et donc, il faut savoir que dedans, il y aura Tujamo, il y a Dimitri Vegas, il y a Like Mike. Je vous dis, le truc est juste ouf. Je vais vous le passer ce matin avant 8h. Fun. Le JPI sur Fun Radio. Journal pas en image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 6h50 du JPI. Et pour commencer, polémique. Pour Gilles Verdez, le bras d'honneur de Paul Pogba est un scandale car il est un exemple pour les jeunes. Venant de la part d'un mec qui se fout des plumes dans le cul à la télé, c'est vrai que c'est tout de suite plus crédible. Bac. Aujourd'hui, pour les élèves de première, c'est l'épreuve du bac français. Et rappelons que le français, c'est une épreuve tous les jours pour Nabila. Aujourd'hui, c'est l'épreuve de langue vivante pour les terminales. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, tout à fait, je suis justement avec les candidats des Marseillais sur W9 qui passent aujourd'hui l'épreuve de langue vivante. Ah, et quelle langue étrangère ils ont choisi ? Le français ! Ouais, pas étonnant. Merci Anthony, à dans une heure pour un nouveau reportage. Et pour finir, le saviez-vous, les policiers portugais portent un crépi. Voilà, c'est la fin du JPI, tout à l'heure. Nous serons tout à l'heure. Alors à tout à l'heure. Vous écoutez Fun Radio, c'est la première radio dance floor de France. Merci d'attaquer cette journée avec nous et avec un son que vous adorez, que vous avez découvert chez nous, de Chainsmokers. Ça s'appelle Don't Let Me Down. Fun Radio, let's go, go. Fun Radio. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. Tous les matins, 7h30 sur Fun Radio. C'est le rendez-vous que vous adorez, ça s'appelle la chanson du jour. Tous les jours, on essaye de régler des problèmes. Ce matin, il y a Laurie qui m'a écrit à bruno@funradio.fr. Elle a 17 ans. Elle veut aller à l'Electro Music Festival cette année. Electro Beach, elle en rêve, elle en rêve. Elle veut aller à Port-Barcarès. Mais elle a 17 ans. Mais elle a 17 ans. Elle veut qu'on demande à sa mère. On aura sa mère au téléphone tout à l'heure, on va lui chanter ça. T'as déjà refusé, mais tout a changé. Le mariage prévu cet été à sauter. Alors est-ce que je peux aller à mon festival cet été? En échange, te promets. Elle promet quoi? Réponse tout à l'heure, 7h30. Oh, teasing! Vous écoutez Fun Radio, Imani arrive, don't be so shy. You're right, you're right. A tout de suite! À vos côtés avec les Bleus. Les garçons, c'est quoi ces saucisses dans le frigo? Bah, on se prépare pour le match. Au menu, sandwich saucisse moutarde. Ah, et comme jusqu'à ce soir sur la carte Carrefour, il y a 50% d'économie sur toutes les saucisses de marque Carrefour, bah vous avez prévu le coup. Et comme ça, en cas de prolongation, on a de quoi tenir. Ah d'accord, bah vous pouvez inviter des copains là, hein. Mais c'est prévu. En ce moment, dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits, comme sur toutes les saucisses de marque Carrefour. Rayon boucherie libre service, modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Bonjour patron. Bonjour. Oh bah dites donc, vous avez pris un peu, non? Mais enfin Berthier, vous vous sentez bien? Ah oui, très très bien. On se sent très très bien quand on conduit Citroën C4 avec kit main libre Bluetooth et 7 ans d'assistance offerts. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, Citroën C4 Vitamine est à partir de seulement 13 990 euros. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Funradio.fr, vous pouvez écouter dans le monde entier Fun Radio, vous pouvez voir Fun Radio. L'émission est la seule en streaming live vidéo, c'est Bruno dans la radio. On vous fait un petit coucou là aux caméras, bon réveil pour ceux qui prennent leur petit déj avec nous sur leur tablette, sur leur ordi. On est là jusqu'à 9h15. Fun Radio, le son Dance Floor. Toute l'actu de ce vendredi, c'est le 17 juin. L'info en deux minutes avec Justine Salmon. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous et bienvenue. On y va pour la météo. C'est encore un sale temps là sur toute la France, ou presque, puisque la Méditerranée sera sous le soleil. Les températures, ça va de 8 à 14 degrés ce matin. Cet après-midi, on attend 18 à Lille, 19 degrés à Saint-Malo, 21 à Strasbourg et 25 à Avignon. Petit coup d'œil sur notre week-end. Un temps pas terrible encore demain, mais retour du soleil dimanche. Bras d'honneur ou pas, le geste de Paul Pogba fait parler en tout cas. Le joueur de l'équipe de France est au centre d'une polémique. On l'accuse d'avoir fait ce mauvais geste en fin du match France-Albanie mercredi, ce qu'il dément fermement. Il affirme avoir été heureux du dernier but et explique juste avoir fait une petite danse de la victoire, rien de plus. Justement, on parle de l'euro. Hier soir, l'Allemagne a été tenue en échec par la Pologne avec un score final de 0-0. L'Ukraine est d'ores et déjà éliminée de la compétition après sa défaite 2-0 contre l'Irlande du Nord. Et puis ce vendredi, on a trois matchs à suivre. À 15h à Toulouse, l'Italie face à la Suède. À 18h en direct de Saint-Etienne, République tchèque, Croatie. Et puis à 21h, l'Espagne, double tenante du titre, va affronter la Turquie à Nice. Après des semaines de contestation contre la loi travail, le patron de la CGT va se rendre dans le bureau de la ministre du Travail ce matin. Un rendez-vous qui s'annonce tendu. 4 jours après la mort du couple de policiers dans les Yvelines, François Hollande va présider ce matin une cérémonie d'hommage. Hier, plus de 2500 personnes ont participé à une marche blanche entre le commissariat de Mantes-la-Jolie où travaillait la femme du couple jusqu'à leur domicile. Et puis une pensée ce matin aux élèves de première qui passent leur bac de français aujourd'hui, du français aussi pour les terminales technologiques. Pour les filières générales, c'est la LV1 cet après-midi. Il est à 7h03, c'est Bruno dans la radio. Bon réveil à tous sur Fun. Fun Radio. Vendredi, c'est le 17 juin, vous écoutez Fun Radio, il est 7h03. Bonjour! Oui, oui, tu es dans les transports en commun, oui, tu es en voiture, avec ton père, ta mère, avec ton pote, et tu vas passer un examen. Peut-être que là, ce matin, tu passes le bac de français. Dis-toi qu'aujourd'hui... Oh putain, c'est vendredi! Alors oui, Albert Camus, on t'aime bien, mais à un moment, tu vas pas nous faire chier toute la journée, tu vois ce que je veux dire. Oui, Molière, tu as du talent, mais arrête de prendre la tête à tous ces élèves de première qui ne t'ont rien demandé. Bon courage si vous passez le bac, la famille, c'est Fun Radio et Imani. Don't be so shy. Fun Radio, tous les vendredis, c'est bootleg. Un mash-up, un bootleg, un mélange de tout. Par exemple, un mélange de rock. How long will I slide? Separate my soul. Avec de la dance music. Et bah tout ça, vous allez l'avoir dans le même morceau. C'est le mashup de ce matin. Il y a les Red Hot Chili Peppers dedans. Il y a Toujamo. Il y a Dimitri Vegas, Like Mike. Yeah. Je peux vous dire que ça... Et si vous partez passer des examens ce matin, ça va vous booster de ouf. Ça arrive. Christina est là aujourd'hui. Bonjour. Il y a Vaché. Bonjour. Il y a Elliot. Bonjour tout le monde. Et surtout, il y a vous. Vous qui tous les matins vous réveillez avec Fun Radio. Vous qui tous les matins avez entendu un jour un pote à vous qui vous a dit « Bah tiens, mais écoute Fun Radio, c'est bien. » Vous qui avez pas entendu qu'il fallait écouter Fun Radio. Puis là, vous êtes arrivé là ce matin. Vous qui avez lu des blogs médias qui vous disaient Fun Radio triche et du coup vous avez dit je vais quand même aller écouter voir ce que c'est parce que je connais pas. J'ai eu des messages quand même ce matin de gens qui n'avaient jamais écouté Bruno dans la radio. Là, il y en a un qui est arrivé il y a 5 minutes en disant écoutez, j'ai vu la polémique lancée par Jean-Marc Morandini. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est cette émission? Bah, en fait, vous êtes drôle. Oh, et bah, merci. Vous, tous ces gens-là, vous faites partie de notre famille. C'est la famille Bruno dans la radio, c'est une autre façon de faire écouter la radio le matin, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne vous cache rien, vous ne nous cachez rien. D'ailleurs, tout à l'heure, avant 8h, je vous expliquerai là, le pourquoi de cette polémique à deux balles là, de ce blog média qui, et d'autres radios qui accusent Fun Radio d'avoir truqué les sondages. Ouais, ouais, ouais. Ouh. Hashtag Thug Life. Hashtag trop les buzz. Hashtag vous branchez Fun Radio ce matin, et là, je peux vous dire que vous écoutez des foufous. Bon, les amis, c'est l'heure du Vaché Time. Fun. Le Vaché Time. Le Vaché Time. Erz Vaché Time. Yeah, oui. Vous avez un téléphone. Ici, c'est Vaché Time. Non, j'ai appelé aujourd'hui dans le Vaché Time une petite mamie pour lui faire le jeu de la vérité. Voilà, je lui promets de gagner un beau cadeau si elle me dit toute la vérité. Et elle va se prêter au jeu, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'elle dit un peu trop de choses, peut-être. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vaché. Écoutez. Oui. Jeu de la vérité, bonjour. Pour gagner un gros cadeau en disant toute la vérité, dites OK pour le Truth Game. Sinon, merci de raccrocher. OK pour le Truth Game. Bien, question personnelle. Quel est votre plus gros défaut que vous ne supportez plus? Oulala, je sens des pieds lorsque je suis en tennis. Ok, vous êtes rangé dans la catégorie participant sexy. Ah bon? Quels sont maintenant les pires défauts de vos enfants? Oula, mon fils est trop colérique et ma fille, on peut dire que ce n'est pas une lumière. À quoi jugez-vous que votre fille n'est pas une lumière? Elle rigole pour rien. Comme une quiche. Réponse validée. Par quel moyen potache arrivez-vous à faire rire vos petits-enfants? J'adore les enfants. Quand je leur dis qu'il va y avoir de l'orage et qu'après, je fais autre chose. C'est-à-dire? Je, Je pète. Bien. J'espère que c'est pas une grosse blague que vous m'avez fait, non. Bah, en fait, madame, je suis pas vraiment une machine. Je voulais juste quelques infos sur vous. Oui, alors. Ah bah maintenant, je sais que vous puez des pieds, que votre fille est complètement teubée et que vous pétez au visage de vos petits-enfants. Ça me va très bien. Vous le prenez pas mal, vous allez pas me casser la gueule. On verra. Je suis désolé. Un avenir très proche nous le dira. Oh. Faut pas le prendre comme ça, enfin. Oh, la mamie qui pète, quoi. Mamie cracra, oh. Les amis. Et les enfants, écoutez, il y a encore de l'orage. Bon, bah, nous, on va y aller, mamie. Fun Radio, le son dance floor. Imani, don't be so shy. Take a breath. Rest your head. Close your eyes. You are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the father. Don't ask me why, you're right. Hold my stick, I'm in command. Can you feel my heat in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. La page Facebook de l'émission, c'est la page Bruno dans la radio. Il y en a plein. Il y a des fois le profil Facebook aussi qui vous demande avec mon nom, bah, les acceptez pas, c'est faux. Hein. Ah bon? Vous dis, ouais, non, la seule page, c'est la page Bruno dans la radio. Et d'ailleurs, vous pouvez laisser des messages en MP, en message privé. Il y a Anne qui a posé un message hier qui nous a fait marrer, qui a dit « Je fais mon marché sur Tinder. Je viens de tomber sur un mec qui a donc un Marcel en photo de profil. » On se dit que c'est pas possible, vous êtes d'accord avec moi la famille. Oui, c'est impossible. Non, c'est pas possible. Le problème du Marcel, je crois que c'est possible si vraiment t'es gaulé comme un Chippendales. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, faut être bien musclé, mais pas trop non plus, parce que sinon ça peut être très vite ridicule et faire les anges de la télé-réalité. Ouais, non, tu vois mais ce que je veux dire. Il faut être un peu musclé, d'accord? Ouais. Il faut être un peu bronzé, et là, dans ces cas-là, tu peux te faire péter le Marcel, t'as pas l'air con. Si t'as un peu de bide, si t'es bronzé avec un t-shirt, c'est-à-dire que le haut reste blanc et que tu mets un Marcel, comment te dire? Là, bah, les gens sont en droit de te jeter des cailloux. Hein, vraiment. Bon, c'est un peu la jalousie qui parle aussi, Bruno. Mais bon. Bah de quoi? Oui, non, mais j'aimerais pouvoir en mettre. Moi aussi, j'adorerais, tu vois. Alors c'est pareil. Pour ça que j'aime pas les gens avec des Marcel. Ouais, ils m'énervent. Ils m'énervent. Ils ont la chance de pouvoir en mettre. Moi, je te jure, j'en mets un, on dirait que je vais sur un chantier et que je vais boire un panaché. Non, c'est terrible. Je trouve que la seule personne à qui ça va bien, c'est notre boss, en fait. C'est notre boss, Sébastien Lucas Joseph. Qui est gaulé de la mort, à lui, ça lui va de ouf. Bien sûr. Mais il n'y a qu'à lui que ça va, ça. Ah ben non, mais moi, j'ai essayé de mettre une fois. Il y a une nana qui m'a croisé dans le couloir, elle m'a dit. C'est la catastrophe. Donc j'ai arrêté. Mais cela dit, il y a des trucs. Voilà, moi, je sais qu'en termes de look, on peut lancer un hashtag c'est pas possible. Alors, est-ce qu'on le fait que pour le look ou on le fait pour tout? Ah bah pour tout, je pense. Alors d'accord. Bon, alors en tout cas, moi, hashtag c'est pas possible, le pantacourt. Voilà, je le dis, pantacourt pour les garçons. Okay. Moi, hashtag c'est pas possible, les sandalettes à scratch. D'ailleurs, souvent, il y a un combo. Les gens ont les sandales à scratch et les pantacourts. Je suis désolé, j'y arrive pas. Alors, hashtag, c'est pas possible. Les chaussures à talons pour les filles où on voit les petits doigts de pied devant. Parce que du coup, ils sont tout assez les uns sur les autres et c'est vraiment pas beau. Ouais, c'est bien. Moi, dans le même genre, c'est pas possible. Le jean taille haute. Mais attention pour les garçons. Ça, c'est horrible. Tu sais, le jean qui remonte super haut avec ceinture. Mais ça, c'est des gens qui s'en foutent un peu des vêtements, on va pas se mentir. Tu mets un polo et tu le rentres dans le jean. Ouais. Ah, c'est horrible. Ouais, et dans le look, hashtag, c'est pas possible, le sac banane. Ah ouais, bah ça n'existe plus, si. Il y en a encore. C'est... Ouais. Hashtag, c'est pas possible, les chaussures ouvertes avec les chaussettes. T'as des nanas qui mettent des chaussettes et des chaussures ouvertes. Ouais, je sais, mais tu sais que c'est revenu à la mode. Là, en ce moment, cet été, la mode, c'est de mettre des jupes avec des sandalettes et des chaussettes dedans. Je vais rester enfermé pour pas J'aurais l'impression de coucher avec un Allemand, moi. Touriste allemand. On lance le hashtag, c'est pas possible. Attention, on peut le faire ailleurs que pour le look. Je sais pas, vous pouvez balancer hashtag, c'est pas possible. Le mec qui a un mariage danse avec la cravate autour du front, ça marche aussi. Genre, moi, pour moi, c'est pas possible. Une œuf végétarienne. C'est pas possible. Pas, hashtag c'est pas possible, tu le dis. Hashtag c'est pas possible, le mec qui s'est mis trop de parfum mais qui s'est pas lavé. Et cette odeur un peu rance de derrière un sapin. Hashtag c'est pas possible, le mec qui écoute du rap super fort dans sa voiture et qui ouvre les fenêtres en se disant tout le monde va kiffer et va penser que c'est une star. Bien sûr. Non. Et ben voilà les amis, on y va, on balance. Hashtag c'est pas possible sur Twitter. Dans quelques secondes. Moi qui aime aussi le rock, j'aurais plaisir à réentendre la voix des Red Hot Chili Peppers. How long will I slide? Mais moi qui aime la dance music, j'aurais du kiff à entendre derrière s'enchaîner toute Jamo. Bref, tout le monde sera ravi, c'est le bootleg match-up du jour. Ça va arriver là dans 3 minutes sur Fun Radio, mais pour l'instant, je paye de la facture. Bruno, allô ? Paye vos factures. Bruno. Tous les jours aux alentours de 7h10 et de 8h10, Fun Radio est la seule radio en France à payer votre facture. Vous avez une facture à me faire parvenir, eh bien faites-le, nous sommes là pour ça. Profitez du week-end pour le faire, vous l'envoyez par courrier Fun Radio 20 rue Bayard 75 008 Paris. Ou alors c'est encore plus rapide, vous la scannez et vous la postez sur le site brunopayevosfactures.fr. Si je vous rappelle en direct le matin sur Fun Radio, votre facture, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi. On part ce matin du côté de Moulineaux. Moulineaux dans le 76, département de la Seine-Maritime. Oui, allô ? Christophe ? Oui. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? Mais c'est Bruno dans la radio. Christophe, que fais-tu dans la vie du côté de Moulineaux ? Alors, je suis chef d'atelier. D'accord, très bien. Chef d'atelier dans un atelier de quoi ? C'est un établissement spécialisé qui encadre les personnes handicapées. D'accord, très bien. Ah, top, génial, c'est bien. Pour de l'insertion de personnes handicapées, donc. Handicapés mentaux qui travaillent malgré tout à fait, oui. Eh ben, génial. Oh. C'est quoi ? Mais je veux saluer les gens qui font ça. Et même les personnels, si on a des gens souvent qui écoutent la radio le matin, qui font du transport de personnes handicapées, et ben, je trouve ça classe, voilà, de leur faire écouter Fun Radio. Ça fait plaisir. Christophe, 230 €, qu'est-ce que c'est ? 230 €, c'est une boule de bowling. 230 € une boule de bowling ? Mais tu rigoles ? Eh non, malheureusement, quand on aime le bowling, on a des boules percées à nos propres mains, et du coup, ça coûte cher. Tu peux te faire mouler une boule sur tes mains ? Ça me rappelle la petite amie allemande de Vacher dont on parlait cette semaine. Ah ouais. Quand on en a parlé, ma femme, elle écoutait pas. Ah oui, c'est vrai, pardon. À 7h16, elle écoute. Donc Mais alors, Christophe, c'est qu'en fait, oui, c'est ça, c'est mouler exactement à tes doigts. Non, alors, c'est-à-dire que toutes les boules font le même diamètre. On perce les trous à la distance de nos doigts. Ce que je veux dire, oui, c'est que c'est les trous qui sont moulés à tes doigts. Tout à fait, oui, absolument. Ah, comme ça, tu mets tes doigts dans tes boules. Ça suffit. Non, mais chacun son trou, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Boule de bowling, comme la chanson. Et je suis comme une boule de bowling qui roule, qui roule. Bon, c'était boule de flipper, mais j'ai pas. C'est trop compliqué pour enregistrer la chanson. Christophe, ta boule de bowling, je te la paye. Ah c'est super cool, merci la famille. Et de rien, on t'envoie le chèque très vite, je t'embrasse. Et moi qui regarde de temps en temps le bowling sur Eurosport, c'est impressionnant, ils font beaucoup de strikes. T'es sérieux, Elliot ? Vous avez jamais regardé le bowling sur Eurosport ? Non. Il y a plein de sports cool sur Eurosport, genre le billard. Ouais. Mmh. Parfois, il y a l'été, il y a la pétanque sur France 3. Elliot, chut, tais-toi. Ouais. Ça va aller, tais-toi. Merci. Avec les Chiot va y avoir le cas. Chut, tais-toi. 7h17, c'est Fun Radio. Dans quelques secondes, du bootleg de folie. Pour attaquer le vendredi. On adore faire ça le vendredi. Vous restez ici et puis on a lancé le hashtag c'est pas possible. Là, voilà, il y a des trucs qui vous saoulent, vous le dites. Hashtag c'est pas possible sur Twitter. La radio numéro 1 sur les nouveautés. C'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. Sound of Legend. Mattel. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Plus que quelques secondes avant la mi-temps. Ah là là, quelle pression! Il faut absolument garder l'avantage! Mais siffle! Allez, regarde ton chrono! Coup d'envoi dans votre micro-ondes avec les burgers Charal, vous allez aimer la mi-temps. À découvrir au rayon frais et surgelé. Charal ! Pour votre santé, bougez plus. Fun Radio. Alain Flelou, ça y est, c'est parti l'été fou ? Oui. Chin Chin cet été, ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour 1€ de plus. Oui. Et la troisième paire ? Pour vous ou pour qui vous voulez. C'est fou. C'est fou, c'est Flelou. Chin Chin jusqu'au 31 juillet, c'est deux lunettes de plus pour 1€ de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Géant, c'est toujours le mois bien fait pour vous chez Géant. En ce moment, profitez d'une offre exclusive. Une remise immédiate de 30% sur une large sélection de vélos adultes et enfants. Par exemple, le VTT suspendu Bakini Aventure est à seulement 89€ au lieu de 127,14€. Oui, 89€ le VTT homme. Et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Tous les matins, 6h-9h. C'est Bruno sur Fun Radio. This is Bruno. Hashtag c'est pas possible, on va faire de la radio ensemble là, les trucs qui vous irritent. Oui, j'avais envie d'utiliser ce mot. Les trucs qui vous font chier, en gros, voilà. Hashtag c'est pas possible sur Twitter ou alors 3228. Mais pour l'instant sur Fun Radio, j'ai envie de vous dire stop. Alerte. Stop aux radios qui le matin vous endorment, vous fatiguent. Vous avez besoin de vitamine C. Vous avez besoin de son pour vous tirer du lit. Vous avez trouvé la bonne radio. Sur Fun Radio le matin, le vendredi, on balance le mash-up. Et celui-ci, attention, il fait mal. Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Red Hot Chili Pepper avec tout Jamo avec Like Mike. Ah, ça réveille. Trop bon. Mais ouais, bien sûr. Mais pourquoi on fait ça? Parce que... Oh putain, c'est vendredi! Évidemment. 7h23, c'est Fun Radio. Bruno dans la radio. C'est vous. Au 3228. 3228 et sur Twitter, sur les réseaux sociaux, on a lancé le hashtag c'est pas possible, c'est parti de ce message que j'ai reçu là sur Facebook, Dan qui voilà a été matché, enfin il y a un mec qui a voulu la matcher sur, sur Tinder mais qui en photo avait un Marcel, elle dit le Marcel c'est pas possible, non, je peux comprendre. On est d'accord. Hashtag c'est pas possible. On a lancé ça sur Twitter, on a lancé ça au 3228. Allez, on balance. Il y en a 1000 qui arrivent avec le hashtag c'est pas possible. Ceux qui mettent des lunettes de soleil en boîte de nuit. Ah oui. Ça, on est d'accord. Oui, ça, c'est sûr. Il y a Lolita qui dit le short avec les cuisses clafies de cellulite. Ça, c'est pour les meufs. Oui, je suis d'accord, c'est pas possible. Ouais, alors, moi, je suis pas d'accord. Ouais, moi, alors, tu sais quoi ? Non, attention, attention. Non, je suis pas d'accord. Le short moulant qui rentre dans les fesses. Je m'en fous. C'est pas possible, ça fait vulgaire. Mais hein. Non, mais ça fait vulgaire. Une personne qui est en surpoids, si elle s'assume et qu'elle kiffe mettre un short, elle met son mais short. Mais tu peux mettre un short, mais pas moulant qui rentre dans les fesses. Mais si elle a envie de le mettre moulant et qui rentre dans les fesses. C'est pas beau. Elle peut même le rouler en boule et le mettre dans ses fesses si elle veut. Si c'est beau pour elle, à un moment, si elle s'assume comme ça, tant pis. Ah non, je suis pas d'accord. T'es dans les anges, c'est vulgaire. Écoute, moi, c'est mon avis en tout cas. Oui, j'ai jamais vu une telle dispute. Il y a HTKC aussi qui dit c'est pas possible, les gars qui roulent à 85 au lieu de 90. Putain, mais ça C'est vrai. Il y a cet enfoiré de Mika du JPI qui a tweeté c'est pas possible, les chaussettes rouges d'Eliott. Ouais, c'est vrai. Les chaussettes rouges, c'est bien. Mais il a pas tort, Ilona, 14 ans à Toulouse. Bonjour Ilona. Bonjour. Je t'écoute. Hashtag c'est pas possible, les chaussettes avec les ballerines. Bien sûr. Bah, les ballerines tout court, il y en a plein qui... Bah, moi j'aime bien. Non. Mais sur Twitter, il y en a plein qui détestent les ballerines. Bah non. Les ballerines c'est très joli, mais je suis d'accord avec Ilona, avec les chaussettes c'est pas possible. Et même Ilona, tu vas me dire si t'es d'accord avec moi, mais les filles essayent un subterfuge. T'as des mini chaussettes, tu sais, qui prennent juste les orteils. Mais ça se voit quand même. Ouais, j'avoue. Mais oui, ça se voit toujours. Mais bien sûr. Et c'est horrible quand tu plies ton pied. Tu vois le dessous de chaussette qui est collé sur ton yep, là. C'est horrible. Bah, je suis d'accord, mais sauf que si tu mets pas ça dans les ballerines, bah, en une journée, tu les flingues, je pense. Hein. Ilona, t'es en quelle classe ? Troisième, ça va, c'est cool la fin d'année. Ça va, mais j'ai le brevet. Ouais, ça y est, t'es une bonne élève, je suis sûr. Oui. Donc, avec le contrôle continu, il n'y a pas de souci. Je te fais des bisous, Ilona. Passe une belle journée. Margot, 24 ans à Lille. Bonjour, Margot. Salut, la famille. Hashtag, c'est pas possible. C'est pas possible, les mecs qui mettent des baskets avec un costume. J'aime bien, moi. Et ben alors là, Margot, moi, je t'arrête. Moi, de temps en temps, je trouve ça stylé. Une belle paire de baskets avec un costard, c'est un peu classe. Attention, faut qu'elles soient propres. Ça dépend les baskets. Si elles sont blanches et qu'elles deviennent grises, tu peux plus les mettre. Non, mais des baskets un peu stylées, c'est joli, moi, je te jure. Ouais, j'aime bien. Une paire de sneakers un peu montante, un peu jolie avec un costume. Ouais. On a perdu Vacher. Vous avez vu, dès qu'on parle de mode, le gars est en train de regarder le haut du studio en disant tiens, j'ai pas vu les drapeaux. Mais aujourd'hui, les baskets, c'est devenu tellement stylé que tu peux les mettre avec tout, même ça se met avec des robes et avec des pulls aussi. Tu sais, je crois qu'il faut être vraiment dans le trou du cul du monde pour qu'aujourd'hui t'aies un videur de boîte de nuit qui te dise quand t'arrives en basket, tu rentres pas. Ouais, c'est clair. Vraiment. Margot, je te fais des bisous, ma belle. François, 15 ans, à Annecy. Bonjour, mon François. Salut, Bruno. Salut, toute l'équipe. Bienvenue chez toi, mon pote. Hashtag c'est pas possible. Hashtag c'est pas possible, les crocs. Les gens qui portent des crocs. Des crocs, les crocs. Oui, des crocs. Oui, bien sûr. On m'emmerdait pas. Les gens, crocs, hein. Les gens qui portent des crocs, c'est des loups-garous. Voilà, tu vois, c'est une différence. C'est des ours. Voilà, eux portent des crocs. Ce qui se met au pied, c'est des crocs. Hein. Faut j'ai pas compris ta référence. Hein, tu ouais, les crocs. Mais après, alors tu sais quoi, ça devient un délire hype. Oh là, non. Ouais, c'est comme... Parce que tu sais, il y a eu le même délire avec les nanas un peu bobos. Qu'on relançait la mode des bottes aigle, mais en mode bottes aigle classe, où tu mets genre une mini-jupe, machin, etc. Et les bottes aigle. Mais en général, c'est pareil, ça va à des filles qui mesurent 1m80, si toi tu le fais, c'est ridicule. J'ai vu, mais je crois que c'est avant-hier en plus, donc tu vois, il n'y a pas très longtemps dans Paris. C'est quand qu'il a fait un peu beau c'était avant-hier En 1982, je crois. Qu'il a fait beau. Et ben, j'ai vu un mec, tu vois, un peu stylé, avec la barbe, plutôt beau gosse, des tatouages et tout, et il avait des crocs, et je l'ai trouvé. Qu'est-ce qui m'arrive, Bruno? Mais j'ai trouvé ça pas mal. Non, c'était une infirmière qui avait de la barbe, c'est tout. François, je t'embrasse, je te remercie de m'avoir appelé. T'as qu'à nous dire que les chaussures de plage, la bleue avec lesquelles t'allais pêcher quand t'étais gamin, c'est beau, genre. Les sandalettes. Ouais, ouais, mais c'est pareil. J'ai vu. Si t'es beau gosse, mais ouais, tu vois, bah, un mec. Te va aussi. Un mec comme le mannequin là de Karl Lagerfeld. Giabiconi. Ouais, Giabiconi. Ouais. Tu vois, je suis sûr que s'il met ce genre de pompe et tout, il sera beau, quoi. Oui, bah oui, voilà. Mais bon, il a une bonne base, quoi. Bah, il a une bonne base. C'est comme nous, mais si on met un truc super stylé, machin, etc. Quoi qu'il aille, on ne sera pas. Ouais, ça marche pas, ouais. On ne rentre pas dedans. De La vie est injuste. Il y en a plein d'autres qui arrivent sur Twitter. Il y a Ludo qui dit c'est pas possible, les ongles longs pour les hommes avec un petit peu de noir dessus. Ah, ouais. Ah je suis d'accord. Les ongles longs chez les mecs, c'est. Ouais, c'est un peu Sky Elliott. Au début, je croyais que c'était du nail art. Et puis après, je me suis approché, j'ai dit non, c'est sale. Non, plus, pardon. Caro et Dr Jones, hashtag c'est pas possible, les gens qui sentent la nuit en arrivant au travail le matin. Bah, ça, c'est, ça s'appelle la grève de douche. Hein. Ah bah non, c'est ceux qui prennent la douche le soir. Hein, ouais, tu c'est vois. Ça. Bah, ouais. Bien sûr. Ouais. Il y a Cédric Bonneau qui dit quand même c'est pas possible les chemises des iguales. Bon, oui, on d'accord. est assez d'accord dans cette équipe pour dire oui. Il y a Vincent qui dit c'est pas possible les retraités qui font leurs courses le samedi. Je comprends pas pourquoi ils font ça. C'est aussi ceux qui arrivent à 9h le matin à l'ouverture du magasin. Ouais, ils ont ça. Toute la journée pour y aller. On en a déjà parlé 1000 fois. Fun Radio, le son Dance Floor. Je vous ressors un vieux son dans moins de 20 minutes. Et ça va vous faire plaisir. Madonna. Avec Justin Timberlake, 4 minutes to save the world. Et puis la chanson du jour qui va arriver dans 3 minutes. Là, on a une auditrice qui veut faire une demande à sa maman, qui voudrait aller à l'Electro Beach. On va essayer de faire ça en direct. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quintet Plus offerts. Non, sérieux ? Un bon à parier Quintet Plus offert ? À votre tour d'être si heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnants PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quintet Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes, du niveau brevet à Bac plus 5, dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toute-une-armée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Célio vous souhaite une bonne fête des pères. Au fait, tu sais ce qui lui ferait plaisir à ton père, toi ? Ouais, il a retrouvé le skate de ses 17 ans. Alors ça sera Bermuda et chemise en lin. Moi, le mien en chemise slim, il fait 10 ans de moins. Sinon, il y a les jeans Célio, il y en a pour tous les styles. Ah, pour mon père, je sais. Il est très foot et très polo. Et ben moi, Ouais. Bah, je sais toujours pas. Bon, bah, du coup, on se retrouve tous chez Célio. Allez. Et pour une idée cadeau de dernière minute, rendez-vous sur celio.com. En ce moment, Célio souhaite aussi une bonne fête à tous les papas supporters. Vous écoutez Fun Radio, merci d'être là la famille tous les matins, 6h, 9h et quart avec toute la team. Il y a Christina, il y a Vachier, il y a Elliot. Oui. On va revenir chez vous là en direct dans 3 minutes et on a Laurie au téléphone là pour la chanson du jour. Elle a 17 ans, elle veut demander à sa maman d'aller à l'Electro Beach à Port Barcarès cet été avec Fun Radio. Et bon, on va essayer de lui gérer le délire après les news. Fun Radio, le son Fleur. Et les infos sur Fun Radio en 2 minutes, c'est avec Justine Salmon. Salut Juju. Salut Bruno, bonjour à tous et bienvenue. On y va pour la météo et toujours pas de changement. C'est pas terrible sur presque tout le pays. Les chanceux se trouvent dans le sud-est. Soleil ou éclaircie prévu en Méditerranée seulement. Les températures de 8 à 14 degrés ce matin. On aura cet après-midi 16 au Havre. Il fera 17 à Clermont-Ferrand, 20 degrés à Paris et 22 à Nice. Et si on regarde notre week-end, demain la même, ça va s'arranger à partir de dimanche. Hommage aujourd'hui au couple de policiers tués dans les Yvelines par un djihadiste. François Hollande présidera ce matin une cérémonie à Versailles. Elle se déroulera en présence de leur famille ainsi que de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Le petit garçon du couple âgé de 3 ans sera déclaré pupille de la nation. On va peut-être enfin savoir ce qu'il s'est passé lors du crash de l'avion Égyptair le 19 mai dernier. L'une des 2 boîtes noires de l'appareil a été repêchée. Elle est en mauvais état, mais la partie la plus importante de l'enregistreur semble opérationnelle. Cette boîte noire contient les conversations dans la cabine de pilotage et pourrait donc aider à comprendre les causes du drame. Une tragédie en Angleterre. Jo Cox, députée pro-européenne, a été tuée par balle hier en pleine rue. Elle a été abattue par un homme de 52 ans. L'agresseur a été arrêté. Il aurait crié « Le Royaume-Uni d'abord ». À une semaine d'un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, la campagne a été interrompue. En plein euro, Paul Pogba crée la polémique. Il est accusé d'avoir fait un bras d'honneur aux journalistes lors du match France-Albanie, ce qu'il dément fermement. Il explique juste avoir fait sa petite danse de la victoire pour exprimer sa joie après le dernier but des Bleus. Et puis sur le terrain, hier soir, match nul 0-0 entre l'Allemagne et la Pologne. Et c'est fini pour l'Ukraine après une deuxième défaite hier face à l'Irlande du Nord. Ce vendredi, on a trois matchs à suivre. À 15h, l'Italie face à la Suède. À 18h, République tchèque, Croatie. Et puis à 21h, l'Espagne, double tenante du titre, va affronter la Turquie. Bon réveil. Tous les matins, c'est Bruno dans la radio. Merci d'avoir choisi Fun Radio pour vous réveiller. 7h33, il y aura Era Istrefi. Bonne bonne. Elle est comment, Era Istrefi? Elle est bonne bonne, bonne bonne. Forming us to save the world, Madonna, Justin Timberlake, c'était il y a 15 ans, mais c'est toujours aussi bon, souvenez-vous. Enfin, je dis c'était il y a 15 ans, il y a si loin que ça, non, peut-être pas à 10 ans. Je pense pas. Madonna, non. Ouais. Je me suis enflammé peut-être sur la date. Large, même moins de 10 ans, c'est 2008 pour moi. C'est quand j'ai commencé avec toi dans une autre radio. Alors, 2008, ouais, c'est ça. Putain, Elliot. Mais t'avais fait toute une campagne promo et tout, j'avais gardé une affiche et tout, donc c'est vrai, je me souviens. Ah, d'accord. Bah écoute, voilà. T'as plus de mémoire que moi. Bah, tu sais, moi, je vieillis. Hein. Moi, tu sais, un jour, je me souviendrai plus de votre prénom. Hein. Oh. Voilà, vous écoutez une radio. Voilà, c'est une radio qui cartonne auprès des jeunes et pas que. Mais voilà, vous savez que l'animateur a 45 ans. À la différence de mes petits camarades, moi, oui. Je vous dis l'âge que j'ai, je l'assume complètement. Mais ce qui va se passer, c'est qu'un jour, vous me direz des trucs, n'importe quoi. Je dirais, mais vous êtes qui? On dira, oui, on est sur Snapchat, tu viens faire un Snapchat et tu comprendras plus. Mais je comprendrai plus, bien sûr. Mais on viendra te voir à la maison de retraite. Le truc, c'est que, après, il faut positiver, t'as 45 ans, ça veut dire qu'il te reste encore 5 ans à vivre et ça. Ça va pas la tête. Profite. Mais je sais pas c'est quoi la durée de vie. Je m'en rends pas compte. Allez, chanson du jour. Bruno. Le vendredi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du vendredi. La chanson du vendredi. Faites sonner le clairon pour Laurie. Bonjour Laurie. Salut Bruno, salut toute la famille. Coucou. Salut. Laurie, tu as 17 ans, tu m'as écrit à bruno@funradio.fr puisque tu voulais faire la chanson du jour. Eh bien, sois la bienvenue, Laurie. Merci. Principe de la chanson du jour, faire passer un message à quelqu'un. Quand on n'a pas les mots, bah on nous demande à nous et on essaye de mettre vos mots en chanson pour faire passer le message. Ce matin, message pour Nathalie, elle a 42 ans, c'est ta maman. Tu m'as dit que vous étiez extrêmement proche, tu m'as dit que tu étais une élève qui travaille correctement, tu es en première, c'est bien ça, et tu as 12 de moyenne. Et oui, cette année, tu rêves de te faire l'événement Fun Radio de l'été, voilà. On va pas se mentir, mais cet été à Port-Barcarès, de Hardwell à David Guetta, en passant par DJ Snake, en passant par Martin Solveig, ou encore Robin Schulz, ou encore Martin Garrix. Il y a tout le monde. Tous beau monde, ça ira à l'Electro Beach Festival. C'est à Port-Barcarès, c'est l'événement Fun Radio. Et alors toi, t'avais demandé à ta maman pour y aller, c'est bien ça? Oui, je l'ai demandé il y a à peu près, au mois de février à peu près. Et là, elle t'a dit non pour une raison qui était valable, hein, c'est qu'il y avait une date de mariage qui était prévue pile au moment de l'Electro Beach. Oui, c'est ça. Mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, finalement, j'ai appris 2 mois plus tard que finalement, ben, le couple était plus ensemble et donc il n'y avait plus de mariage. Oh l'horreur. Non mais alors du coup, elle s'en fout. Ce qu'elle veut, c'est relancer la piste de l'Electro Beach. Alors, le problème, moi je me mets en position daron, Laurie. Le problème, c'est que tu as 17 ans. Oui. Tu habites à Ur dans le 66. Oui. Et que globalement, entre les Pyrénées-Orientales et Port-Barcarès, il y a un petit peu de route. Oui, mais bon, je peux prendre le bus, j'ai de la famille à Perpignan, donc ça va. Oui, tout est arrangé là-bas. Hein. Et oui. T'as arrangé sur place, c'est ça? Tu m'as dit sur le mail que t'avais des gens qui pouvaient te surveiller. Voilà, qui pouvaient me loger, me surveiller, donc normalement, c'est bon, quoi. Bon, mamie, voilà, si sa mère accepte, elle est prête à payer elle-même les places avec son job d'été. Tu vas être caissière, tu promets d'être hyper sérieuse pour le bac, de bien bosser, nettoyer la chambre, aider la mère, etc. Mais t'as l'air d'être une fille bien, de toute façon. Je lis aussi que donc c'est tante Valérie qui t'hébergera. Moi qui vais à l'EMF cet été et qui trouve pas de chambre d'hôtel, tu penses qu'elle elle a 17 ans. Non, je parle de tante Valérie, est-ce qu'elle peut m'héberger? Oui, parce que je galère. Laurie, je sais pas. Laurie, pendant que je suis en train de te parler, il y a Nathalie qui en attente au standard, c'est ta maman. On lui fait passer le message en chanson, tu t'expliques avec elle après, d'accord? Oui. Tu bouges pas. Téléphone avec moi ce matin, il y a Nathalie, elle est à Ure. Bonjour Nathalie de Ure. Bonjour. Nathalie, je me présente, je m'appelle Bruno Guillon et tu es en direct sur Fun Radio. Bonjour. Sois la bienvenue, je me permets de te tutoyer, j'ai 45 ans, je suis ton aîné, donc j'ai le droit de le faire. Bon, Nathalie, si t'es là ce matin, c'est que j'ai une fille qui s'appelle Laurie qui m'a demandé de te faire passer un message. Ça, c'est ma fille. Eh bien, c'est ta fille, oui, forcément. Alors, comme c'est une chanson, ce que je t'invite à faire, c'est d'écouter attentivement les paroles, puisque la chanson, elle a été écrite spécialement pour toi. D'accord, Nathalie? Oui. Et on en parle juste après? Oui. Eh ben, c'est-y par le homard. T'as déjà refusé, mais tout a changé. Le mariage prévu cet été a sauté. Alors, est-ce que je peux aller à mon festival cet été? En échange, te promets de faire aucune connerie. Il n'y aura que de l'eau dans mon pipi. Il n'y aura rien d'autre, maman, crois-moi, c'est promis. Pas de pétard ou autre, on se droguera à la vie. Tout est arrangé, ma tante Valérie pourra m'héberger. Et Clément, le cousin de Laurie, pourra surveiller. Et en échange à la maison, je vais tout ranger. Mais ça serait trop de la base si tu me laissais aller à mon festival. S'il te plaît, fais-moi kiffer. Tu vas pas le regretter, je serai super sage. Comme une image, mage, mage, mage, mage, mage, mage, mage. On a pris du son qui tape comme à l'Electro Beach. Nathalie. T'as plus le choix. Réflexion de parents, tu sais, à chaque fois, c'est elle a osé. Bien sûr. Bon, Nathalie, est-ce que tu as compris le message? Oui. Bah, tu sais quoi, maintenant que t'as compris, le mieux c'est que ce soit Laurie qui te le demande. Laurie, t'es en direct avec ta maman. Salut, maman. Bon, salut. Bon, alors, je voulais faire passer par la radio parce que bon, je n'osais pas te demander et voilà. Du coup, je préférais passer par la radio pour te demander. Oui, elle a compris, je crois. La question, Nathalie, c'est voilà, est-ce que tu es d'accord pour que Laurie aille au festival Electro Beach? C'est un événement Fun Radio à Port-Barcarès. Elle a déjà tout arrangé avec sa tante Valérie pour l'héberger et son cousin Clément va l'accompagner sur place. Donc, ce qu'on attend de toi, Nathalie, c'est un oui ou un non? Oui, elle peut y aller. Ouais. Elle est dans la place, Nathalie. Bravo, Nathalie. Mais tu vois, Nathalie, j'allais essayer de te convaincre parce que c'est un événement Fun Radio depuis plusieurs années. Il s'est jamais rien passé de mal. C'est vraiment hyper bon esprit qu'avec des gens cool. Attends, parce qu'elle a l'air hyper facile. Elle a l'air hyper facile, Nathalie. Et donc, on va se dire un pétard, c'est autorisé, justement. Allez, un oui. Un vrai. Nathalie, t'es une maman cool. Laurie. Oui. Et tu t'engages sur tout ce que tu m'as dit, hein, les études, le ménage et tout ça, on est d'accord? Oui, promis. Je te fais des bitous. Des binous, tu veux. Je te fais dire. Des bisous, on dit merci. Merci beaucoup, on dit... la famille. Mais voilà, s'il bisous. Te plaît. C'est Fun Radio. Ira est très fille. Bonne, tout de suite sur Fun. This is Buns Bun.

Bruno dans la radio. Bonjour la famille, vous écoutez Fun Radio, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter le matin. Et à 7h48, je peux même le dire, Fun Radio est la première radio musicale de France, quoi qu'on en dise. Et si je dis quoi qu'on en dise, c'est que je voudrais revenir sur une polémique qui a été lancée il y a un peu plus de 24 heures par un blog média extrêmement connu, le blog de Jean-Marc Morandini, pour ne pas le citer, qui a balancé un truc, le plus gros scandale de l'histoire de la radio. Mon Dieu. Fun Radio a truqué ses audiences. Non, je mets un peu d'ambiance. Mettez pas ce genre de musique. Parce que franchement, je vais vous expliquer le truc. Je pense qu'il faut plus un truc dans le genre... Voilà, c'est mieux comme ça. Donc en fait, on m'accuse d'avoir manipulé les audiences radio. Et comment aurais-je manipulé les audiences radio ? En vous demandant à vous, auditeurs de Fun Radio, de dire, quand un institut de sondage vous appelle pour vous demander quelle radio vous écoutez, de dire que vous écoutez Fun Radio. Ce qui est la manipulation la plus ouf du monde, puisque je l'ai fait à visage découvert tous les jours et en direct sur Fun Radio. Comme j'ai donné l'image hier soir à la télé, c'est un peu comme si j'étais allé braquer une banque, mais sans cagoule, avec une pancarte où-dessus j'avais marqué mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone et mon adresse, pour être sûr qu'on me retrouve. C'est exactement ça, mais il y a une certaine logique dans ce que tu dis, puisque tu demandes aux auditeurs de Fun Radio de dire qu'ils écoutent Fun Radio, oui. Mais c'est normal puisqu'ils écoutent, oui, Fun Radio à ce moment-là. Alors, ce que me rapprochent les autres radios que je ne vais pas citer, mais ils se reconnaîtront puisque visiblement ils écoutent mon émission tous les matins pour piger ce que nous disons, ce qu'ils me reprochent, c'est que des fois, j'ai pu dire, et si vous n'écoutez pas Fun Radio et une autre radio, dites que vous écoutez Fun Radio. Oui, mais c'était de la vanne. Oui, sauf que bon, déjà, et d'une, ils ont peut-être pas compris la vanne, et de deux, ils m'accusent de ça. Donc ça veut dire que quand je dis, hey, si vous écoutez pas Fun Radio, dites que vous écoutez Fun Radio quand même, bah, le gars, s'il écoute pas, il peut pas l'entendre. Ah oui, c'est ça le truc. Mais ils se disent que quand même, ça a pu jouer. Voilà. Ouais. Et j'ai dit des fois, et si vous écoutez une autre radio, dites quand même que vous écoutez Fun Radio. Et là, pareil, ils me le reprochent. Mais s'ils écoutent une autre radio, ils peuvent pas écouter Fun Radio. Ah oui. Mais ils me le reprochent quand même. Monsieur, alors ça, j'ai rien compris, moi, personnellement. Non, mais c'est pour ça que j'explique un peu la polémique. Alors, il faut savoir que très souvent, à l'antenne, je vous ai dit, voilà, si vous écoutez Fun Radio et qu'on vous demande quelle radio vous écoutez, dites-le. C'est vrai que je l'ai dit quasiment tous les jours depuis 7-8 mois. Par contre, la vanne sur si vous écoutez une autre radio et pas Fun Radio, dites-le aussi. J'ai dû la faire une dizaine de fois. On me reproche ces dizaines de fois. D'accord ? Il faut savoir que depuis le mois de septembre, on a fait plus de 250 émissions. Et donc, sur 250 émissions, ils ont sorti 10 passages qui durent 45 secondes. Qu'à cela ne tienne. Et ils pensent que c'est ça qui a changé toutes, oui, les audiences. Quoi. Et donc, oui, ils pensent surtout que le fait que je dise ça font que les gens ont répondu Fun Radio tout le temps. Sûr. Je suis donc le nouveau Mesmer ou le nouveau gourou de la radio. Bien je sûr. Dis quelque chose, les amis, les gens le font. Ah, alors, d'accord. Donc, Bruno, bah, vas-y, dis-nous un truc, on va le faire. Est-ce que tu peux dire déjà à l'équipe de France peut-être de marquer des buts plutôt que la 89e minute, s'ils nous écoutent. Ce que je voudrais dire, et là, j'arrête vite fait la musique derrière moi. Ce que je voudrais juste dire, c'est que c'est donné vraiment peu d'importance aux auditeurs et manquer vraiment de respect à ceux qui font le succès de toutes les radios confondues d'ailleurs tous les matins et les prendre pour des marionnettes. C'est exactement ça. En fait, moi, c'est ce qui m'a blessé le plus, c'est pour les auditeurs de Fun Radio. Et voilà. Et je vous remercie de tous vos messages de soutien. Sachez que, voilà, comme aurait dit un certain président de la République il y a quelques années, ça m'en touche une sans secouer l'autre. Très honnêtement. Je suis très clair sur ce sujet et je voudrais juste, voilà, finir ce... Et après, je ne parlerai plus du tout de ça. J'ai refusé les interviews de plein d'émissions de télé, j'ai fait Arthur hier parce que je suis dedans, mais plein de magazines et tout, je reviendrai pas dessus, je voudrais juste dire quelque chose. C'est que visiblement toutes les radios disent que depuis le mois de septembre, elles sont à l'affût de ça et elles préparent quelque chose, mais bizarrement, c'est à un mois des sondages qui sont censés sortir le 15 juillet que toutes ces radios se réveillent, alors comme par hasard. Toutes les tendances sont en train de souligner que visiblement Fun Radio est encore une nouvelle fois en train de battre des records et peut-être de battre certaines radios. Et c'est à ce moment-là que tout le monde se réveille. Donc je vais poser la même question que j'ai posée hier sur TF1. À qui profite le crime, les amis? Voilà, c'est tout. Le sujet est clos. Je n'en parlerai plus. Vous êtes la famille. Merci de nous écouter tous les matins. Et merci d'être aussi nombreux à le faire. Et merci de nous avoir soutenus. Ouais. Et merci. Merci. Vraiment, super. C'est hyper touchant. Vu que les autres radios sont sûrement en train de nous écouter avec du décalage. Sur le pitch, moi, je voudrais leur faire une dédicace. Je vous écoute de temps en temps. Franchement, c'est pas mal. franchement, ouais, vous déchirez. Hein. J'adore la skyroulette. Surtout qu'ils sont de mauvaise foi parce que c'est arrivé aussi très souvent des fois où j'ai dit, et si vous écoutez une autre radio que Fun Radio, bah dites-leur que vous l'écoutez aussi. Voilà. Et j'en profite pour saluer. Voilà, tu vois, et comme ça, je vais être corporate jusqu'au bout. Parce que dans ces cas-là, tu sais, il y a des amitiés entre animateurs radio. Et quand il y a ce genre de trucs, ça peut être un peu compliqué. Et ben, j'en profite pour faire un gros bisou à Manu Lévy et toute sa bande sur Énergie qu'on aime et qu'on embrasse. Voilà. Et oui, comme ça, c'est fait. Et venez me saouler avec cette histoire. Maintenant, on danse, les mecs. Allez. Le JPI, journal pour en image, c'est le faux journal de l'émission. Ça arrive dans quelques secondes. Hé, Bruno, oui, même toi, tu danses, le tricheur. Allez. Je suis le Christophe Rocancourt de la radio, mec. Allez, voici Madonna, tout de suite. J'adorais ce titre avec Justin Timberlake. Tic-tac, tic-tac, dans 3 minutes, 8 heures. Le JPI vous est présenté par la grosse émission. Tous les jours sur Comédie Plus à 18h22. Environ. Fun. Le JPI sur Fun Radio. Journal pas en image, c'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 7h50 du JPI. Et pour commencer, polémique, Paul Pogba est accusé d'avoir fait un bras d'honneur aux journalistes lors du match France-Albanie. Faut dire qu'en ce moment, Pogba est plus doué avec ses bras qu'avec ses jambes. Science, des botanistes britanniques viennent de découvrir que les plantes avaient une mémoire. Attention donc la prochaine fois que vous pisserez sur des bégonias, ils s'en souviendront. Aujourd'hui, pour le bac, c'est épreuve de langue vivante pour les terminales et le bac français pour les premières. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis justement avec les secondes. Ils n'en ont rien à foutre. Ouais. Bah, qu'ils profitent bien, hein. L'année prochaine, ce sera leur tour. À dans une heure pour un nouveau reportage. C'est tellement ça. On a tous vécu ça en seconde. Regardez nos potes qui étaient en première, qui stressaient pour le bac, et nous, étaient en mode TOG. Genre, ah, ça, t'as révisé un peu. T'as pas révisé, t'as l'air entanné un peu. Allez, on finit. Et pour finir, si vous aimez les réseaux sociaux et le poisson, essayez d'être en top truite. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Et puisque tu parles de top tweet et de top tweet, on a lancé ce matin le hashtag c'est pas possible. Hashtag c'est pas possible, il y en a plein qui sont arrivés. On pourra en refaire une salve tout à l'heure. C'est parti de cette auditrice qui disait ouais c'est pas possible les mecs qui mettent des photos de profil sur Tinder en Marcel. Ouais, je suis d'accord. Alors on a fait la mode et puis là maintenant on est sur tout plein de dossiers. Il y a Philippe qui nous dit c'est pas possible le goéland qui gueule depuis 6 heures à ma fenêtre. D'accord. Ouais. Il y a Landa qui dit c'est pas possible les gens qui critiquent juste par jalousie. Ah bah tiens, c'est rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. On te fait des bisous. C'est pas possible les filles habillées en jogging dans le bus avec du Jules à fond. Ah ouais, le jogging déjà c'est un peu à proscrire quand même. Ouais, tu lui dis tu veux sortir avec moi, elle te pète la gueule elle. Ou alors elle dit ouais chaleur. Mom, allô, ça arrive sur Fun Radio. Hey, on revient après les infos, bougez pas hein. Dans un monde sans espoir, sans âme, sans rire, sans dentifrice, elle est la seule à pouvoir changer les choses. La grosse émission revient sur Comédie Plus, du lundi au vendredi à 18h22. Environ. Comme pas mal de jeunes diplômés, Romain a longtemps cherché un premier poste. Il a cherché parmi toutes les entreprises qui pouvaient l'intéresser. Il a cherché comment avoir le meilleur CV. Puis il a cherché sur Le Bon Coin. Et grâce à ça, aujourd'hui il cherche encore, mais pour un grand laboratoire. Le Bon Coin, c'est plus de 300 000 offres d'emploi pour trouver votre place. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sananas. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto. Vous pouvez poser les pinceaux, l'idée c'est de ne rien faire et de vous laisser faire. Au make-up bar de Sephora, de super pros sont là rien que pour vous. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour le smoky de vos rêves et être au top du top niveau. Être encore plus belle sans bouger le petit doigt, moi je valide. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Les bons plans Auchan, c'est maintenant. Les vacances approchent et chez Auchan, on trouve tout ce qu'il faut pour bien les préparer. Ah oui, justement, j'ai besoin de me trouver une valise pas trop grande, pratique, facile à transporter. Ça tombe bien. Jusqu'à mardi, la valise rigide 4 roues ABS de 41 cm est à 11,99€ au lieu de 19,99€. Waouh ! Ma valise idéale pour seulement 11,99€. Alors moi je dis, vivement les vacances. Auchan, la vie que j'aime. Voir différents formats en magasin. Avant, l'été, sans Chris, ça ressemblait à ça. Choux ! Qui veut des choux ? Choux ! Mais ça, c'était avant. Chouchou ! Qui veut des chouchous ? Des bons chouchous ! Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Bon réveil la famille, merci d'écouter Fun Radio. Vendredi c'est le 17 juin. Vous voulez que je vous paye une facture? Je vous paye une facture. Vous voulez que je vous offre une télé? Je oui. vous offre une télé. Vous voulez que je vous offre 2 ans de communication 4G illimité, SMS, oui, MMS oui, oui. Eh bien je vais faire tout ça avant 9h15. Vous écoutez Fun Radio, c'est le bon choix. On revient après les infos. Fun Radio. Le son Dance Floor. Le point sur l'actu de ce vendredi, nous sommes le 17 juin et l'info c'est en 2 minutes, c'est suffisant pour Justine Salmon. Bonjour. Bonjour à tous, on y va pour la météo et c'est encore un sale temps là sur toute la France ou presque, puisque la Méditerranée quand même sera sous le soleil. Les températures ça va de 8 à 14 degrés ce matin. Cet après-midi on attend 18 à Lens, 19 à Rennes, 21 à Strasbourg et 25 degrés à Aix-en-Provence. Petit coup d'œil sur notre week-end, un temps pas terrible encore à demain mais retour du soleil dimanche. Bras d'honneur ou pas, le geste de Paul Pogba fait parler en tout cas. Le joueur de l'équipe de France est au centre d'une polémique. On l'accuse d'avoir fait ce mauvais geste en fin du match France-Albanie mercredi, ce qu'il dément fermement. Il affirme avoir été heureux du dernier but et explique juste avoir fait sa petite danse de la victoire, rien de plus. Justement, on parle de l'euro. Hier soir, l'Allemagne a été tenue en échec par la Pologne avec un score final de 0-0. Et l'Ukraine est d'ores et déjà éliminée de la compétition après sa défaite 2-0 contre l'Irlande du Nord. Ce vendredi, on a 3 matchs à suivre. À 15h à Toulouse, l'Italie face à la Suède. À 18h, en direct de Saint-Etienne, République Tchèque-Croatie. Et puis à 21h, l'Espagne, double tenante du titre, va affronter la Turquie à Nice. 4 jours après la mort du couple de policiers dans les Yvelines, François Hollande va présider ce matin une cérémonie d'hommage. Hier, plus de 2500 personnes ont participé à une marche blanche entre le commissariat de Mantes-la-Jolie où travaillait la femme du couple jusqu'à leur domicile. Après des semaines de contestation contre la loi travail, le patron de la CGT va se rendre dans le bureau de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, ce matin. Un rendez-vous qui s'annonce tendu. Et puis une pensée pour les élèves de première qui passent à leur bac de français aujourd'hui, du français aussi pour les terminales technologiques. Et pour les filières générales, c'est la LV1 cet après-midi, les 8h04. Bon réveil et bonne matinée sur Fun. C'est Bruno dans la radio. Radio. Vendredi, c'est le 17 juin, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 8h04, bonjour! Bonjour! Mom, aloha! DJ parisien que vous avez découvert chez nous, ça va arriver là sur Fun Radio. Mathieu Canabi! Ça arrive dans la demi-heure. On a un pote à nous qui vient nous voir ce matin. Son album vient de sortir. Il nous amène l'album. Puis du coup, bah, il va chanter, s'il vous plaît. Julian Peretta. J'ai hâte de voir comment il va faire cette note en live. Il est classe, Julian Peretta. Il était venu pendant l'émission en public qu'on avait fait là dans le grand studio de Fun Radio. Il avait kiffé. Hein. Ah, mais il est beau surtout. Ouais. C'est vrai que dans l'équipe, j'ai vu qu'il y avait il y a 2-3 filles qui n'étaient pas restées complètement. Ah, il est pas mal. Hein. Ouais, j'avais bien vu votre délire. Bon, les amis, aujourd'hui, c'est quoi ? Oh putain, c'est vendredi ! Mais bien sûr, c'est vendredi. Soyez un peu plus détendus du string que d'habitude pour aller bosser. Optez pour le Friday Wear, la fringue du vendredi, car le vendredi, c'est un état d'esprit. Et sur Fun Radio, l'état d'esprit, c'est se détendre, c'est faire la teuf et c'est profiter de ses amis. Et moi, je profite de Christina ce matin. Ah, moi aussi, je profite de toi, Bruno. Bonjour. Il y a Vacher. Eh, bonjour. Vacher, il profite de tout. Hein. S'il y a une tournée de café, bah, il profite de la tournée de café. Christina vient de me payer un café, justement, à l'instant. Je n'avais pas de bonnet sur moi, comme depuis ces 3 dernières années. Donc, merci. Elliot est là ce matin. Ça va, tout va bien. Elliot... Elliot, il a une fête ce soir. Ouais. En fait, ce soir, Elliot, il avait une fête d'anniversaire qu'il n'était pas censé connaître. Ouais, normalement, ça devait être une surprise. Et genre, on devait tout jouer la surprise et rien dire, même inventer un mytho pour dire ce qu'on allait faire ce week-end. Et en fait, on vient de s'apercevoir qu'il était au courant de la surprise. Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai reçu un message hier à 19h de Elliot qui disait « Ouais, bonjour, Vacher, je fais mon anniversaire surprise demain soir si tu veux venir. » Donc, j'ai pas compris le concept. Mais non, mais en fait, elle devait faire ça pour mon anniversaire le 23 mai, ma copine. Mais elle a annulé, j'ai rien compris. Et bah, elle a annulé parce que ça devait être dehors et qu'il tombait des cordes. Bah voilà. C'est juste pour ça en fait. Et vu qu'on a tous un emploi du temps chargé, elle a dû me demander quelle date on pouvait mettre le truc et tout. Donc apparemment, c'est ce soir. Bah ouais. Non, on débarque chez toi du coup ce soir. Ouais, parce qu'elle m'a dit de tout préparer. Donc du coup. Tu parles d'un anniversaire surprise. Ah, c'est une arnaque, juste, ça, meuf. J'en profite, j'ai la parole. Je dois faire un cocktail géant parce que moi j'aime bien. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que vous Je bois pas d'alcool, moi, mec. Donc, ouais, bon, et puis au pire, on s'en parle en antenne, vu qu'il y a en ce moment 2 millions de personnes qui s'en foutent. Vu qu'ils sont pas invités. Ou alors tu les invites. Et dans ces cas-là, on fait open auditeur et on leur demande d'intervenir. Mais tu vois, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais. Tiens, et puisqu'on parle d'anniversaire, il a 23 ans aujourd'hui. Oh merde, putain, je lui ai pas dit. Bon anniversaire, Luzman. Merci. Bon anniversaire. Par contre, Luzman, je vais être très honnête. Le délire de Luzman, c'est que tu es censé être en costume de Luzman pendant l'émission. C'est vrai. Là maintenant, alors, au début, il a enlevé le bandeau, j'ai rien dit. Maintenant, il a enlevé le bandeau, il enlève le haut du costume, il roule en boule au niveau de la taille. Un super-héros se doit d'être un super-héros pendant les 3h15 d'émission. Eh oui, mais il fait chaud dans le studio. Oui, mais j'ai payé ce costume bien cher. J'aimerais quand même l'optimiser, s'il te plaît. Vous lui avez tous dit dans l'équipe, c'est moi le seul bâtard qui lui a fait ça. Ouais. Niqué, pardon, vraiment, Louis, excuse-moi. Oh. Il lui fait des câlins. Ça, c'est pareil, hein, ça peut se passer hors antenne, je pense. Hein. Ouais, ça. Je veux pas titiller, mais bon. Mais tu sais, Elliot, maintenant, il est monté dans l'émission. Il a monté tous les étages. Et là, aujourd'hui, il est dans le sommet de l'émission. Ouais. Il ne respecte plus le petit personnel. Voilà. Mais non, mais rien à voir. Mais je... Alors qu'Eliott, je te citerai Woody Allen, qui disait « Quand tu montes l'escalier du succès, tu croises des gens. Et quand tu redescends ce même escalier, tu recroises les mêmes gens. Si tu n'es pas sympa avec eux en montant, ils ne seront pas sympas avec toi quand tu redescendras. » Citation du jour, bonjour. Vous écoutez Fun Radio, c'est Môme, tout de suite. Aloha. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've had his groove. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it. Suddenly it's all real, suddenly it's all you feel. You're free now. Something more. Sur Fun Radio avec Aloha, 8h10. On aura Mathieu Canabi dans quelques secondes. Il vient la semaine prochaine, Mathieu Canabi. Il vient avec maman. J'ai dit, j'ai insisté pour qu'il vienne avec sa mère. Il a été tellement cool avec nous à l'antenne. J'ai dit, ouais. Non, mais ça m'a fait rire, la démarche est drôle. Est-ce qu'on ne demanderait pas maintenant à tous les artistes systématiquement de venir avec leur mère? Mathieu Canabi, Miss California, ça arrive. Je vais payer de la facture là dans quelques secondes. Mais pour l'instant, je voudrais qu'on prenne Anthony. Anthony, il a appelé le 3228. Et vous le savez, vous appelez le 3228, notamment Loosman, mais il y a aussi Mathilde, il y a Amélie là au standard. Et vous vous retrouvez avec nous à l'antenne. Bonjour Anthony. Bonjour Bruno. Salut la famille. Anthony, 31 ans, t'es à Landévent, c'est dans le 56. Qu'est-ce que tu fais de beau dans le Morbihan, Anthony? Je suis carrossier peintre et correspondant Ouest-France aussi. D'accord. Ah, fort, t'es journaliste pour le quotidien Ouest-France. Ouais, journaliste, c'est un grand mot, mais ouais. Mais... Non, mais c'est bien. Tu sais, les correspondants locaux, ça permet de faire vivre l'actualité des petits villages. On parle toujours des grands journalistes, mais les gens qui vont sur les petites manifestations et tout ça, c'est ça qui fait vivre les journaux aussi, c'est bien. Anto, il paraît que t'es un peu en flip par rapport à demain. Ouais, voilà, ma femme, ça fait des années qu'elle donne son sang, et ben, moi, pour la première fois, je vais tenter. Ah. Ah, et pourquoi bien, tu flippes? Qu'est-ce qui te fait flipper? Tout ce qui est monde médical et tout, j'ai un peu du vacher en moi, en fait. Ah, et tu sais... J'aime pas trop qu'on me touche. Ah non, vacher aime beaucoup qu'on le touche. Ça va, non, mais non, le monde médical, c'est moi. Ouais, moi, je suis un peu hypochondriaque. Donc moi, c'est vrai que quand je rentre dans un hôpital, les odeurs et tout, j'ai déjà tous les symptômes, toutes les maladies, moi. Oui, mais là, en général, tout est fait pour te déstresser. Tu sais que tu peux emmener de la musique, des magazines pour te changer les idées. Et moi, la première fois que j'ai fait, c'est pareil. J'étais jeune, mais j'avais hyper peur des seringues, etc. Mais après, tu le dis, si je le fais pour une bonne cause, donc non, mais je vais me forcer. Et après, honnêtement, les infirmières, elles sont adorables. Et surtout, après, t'as des sandwichs gratuits. Ouais. Et ça va. ça va super vite en plus. Tu sais, c'est en général 3 à 4 petites fioles. Arrivé à la vingtaine de fioles, de toute façon, en général, ils te disent, vous voulez qu'on continue? Et si t'es tout blanc et si tu tombes, c'est qu'il y a un problème. Non, mais ça va vite. C'est vachement bien. Donner son sang, c'est super important pour plein de raisons. Déjà, pour toi, Anthony, ça te permet d'avoir un bilan sanguin gratuit. Parce que quand tu fais un don du sang, il est analysé pour savoir, tu vois, si on peut le mettre après dans d'autres corps. Donc ça, c'est bien. Et aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de carences en plaquettes et puis en sang en général, surtout avec l'été là qui c'est arrive. Ça. Tu sais, les accidents de la route, etc. C'est super important. Donner son sang, Anthony, tout le monde devrait le faire. C'est vachement bien. Bravo à toi. Merci beaucoup. Et Elliot, t'es en train de lever la main. Est-ce que tu vas me poser une question sur les sandwichs qu'on mange après? Non, ça, ils sont super bons. Le problème, c'est que moi, une fois, j'ai donné mon sang, mais c'est le problème, c'est l'analyse. Après, ils m'ont dit, bah, monsieur, on vous le rend, vous pouvez repartir avec. C'est ce qu'on appelle du whisky, monsieur. Hein, donc, à la rigueur, dégustez-le entre amis ce soir. Gardez-le pour vous, on n'en veut pas, monsieur. C'est vrai qu'il y en a qui sont A, il y en a qui sont AB, il y en a qui sont. Et Elliot, il est JB. Bravo. Anthony, on te fait des bisous. Bon courage pour demain. Je veux juste passer un petit bonjour. Mec, t'es chez toi, vas-y. Alors, bonjour à ma petite femme qui attend notre petit Timéo qui arrive dans quelques jours. Et bonjour à mon frangin qui doit vous écouter aussi tous les matins. Eh ben écoute, bisous à tout le monde et bravo, bravo pour la grossesse. Allez, 8h15, je paye de la facture. Money. Bruno, allô ? Paye vos factures. Tous les jours, 7h10, 8h10 en direct sur Fun Radio. Je suis le seul animateur radio de France à payer vos factures. Alors franchement, prenez le risque que ça tombe sur vous, qu'on vous paye votre facture. Soit vous l'envoyez par courrier Fun Radio, Paris Bayard 75 008 Paris, ou bien par mail facture@funradio.fr. Si on vous appelle en direct au matin, la facture, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous. On va partir où ce matin? Eh bien, je ne sais pas. À Dijon. Ah, on part à Dijon, Côte d'Or. Allô? Jimmy? Oui? Bonjour Jimmy? Mais non. Si? Mais non. Si? Oh là là. C'est lui, c'est Bruno de la radio. Ben voilà, c'est lui. Bravo! Oh, trop bien. Oh, trop bien, trop bien. Jimmy, tu fais quoi dans la vie à Dijon? Tu as quel âge? Alors, j'ai 24 ans et je suis chef de projet informatique. Tu m'as envoyé une facture de 149 euros. Oui. C'est quoi cette facture? Bah alors, enfin, avant de dire ce que c'est, enfin, je vais passer un petit message. C'est que à toutes les personnes qui savent qui je suis et qui connaissent ma conjointe, de rester assez discret au sujet de ça. Parce que c'est une bague de fiançailles. Mais genre, tu l'as pas encore demandé en mariage? Non, je vais la demander en mariage cet été. Oh, fort! C'est beau ça! Génial! Et si elle nous écoute? Non, elle est en examen là, donc. Ça va. Il n'y a pas de risque, normalement. Et t'as prévu quoi comme demande en mariage? Donc là, si ça se passe comme je veux, ce serait à 10 000 mètres d'altitude dans un avion. Ah oui, comme ça, si elle dit non, tu la pousses. Excellent. Comme ça, elle peut pas partir. Ah bah génial, tu vas faire ça devant tout le monde dans l'avion donc. Voilà, c'est ça, devant tout le monde. Fort, bravo. Belle déclaration. Très très beau, bah écoute, je te souhaite que ça se fasse et que ça se passe bien et qu'elle dise oui surtout. Mais j'espère aussi. Parce que sinon tu te tapes 20 heures de vol avec des gens qui se disent ah trop la honte le gars. Elle lui a dit non. Bague de fiançailles, c'est cadeau, c'est pour moi. Merci Bruno. Passe une belle journée. Bisous. Merci, vous aussi, bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Cry. Cry. Julian Peretta, ça va arriver là sur Fun Radio. Il sera en live pour chanter I Cry. L'album de Julian vient de sortir. Il y a Miracle dessus, hein, bien sûr. On l'aime bien, Julian Peretta. Je suis content qu'il vienne. Et puis là, j'ai du cadeau pour vous. Alors, je suis embêté parce que quand j'en ai parlé tout à l'heure, j'avais dit que je le ferais avant 7h30. On va se dire que j'ai un petit peu oublié. Non. Oh, est-ce que ça se voit? Franchement, j'ai quoi? J'ai une heure de retard, ça franchement va. Et ça se voit ou pas? Nos amis de chez Bouygues Télécom ne nous en voudront pas. Ils vous offrent ce matin une Golden SIM. La Golden SIM, c'est à l'occasion des 20 ans de Bouygues Télécom. C'est tout en illimité. La 4G Bouygues Télécom en illimité. Les appels, les SMS, les MMS illimités pendant 2 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans, vous pouvez surfer sur le net autant de fois que vous voulez, appeler autant de fois que vous voulez, envoyer autant de SMS, de MMS que vous voulez, ça ne vous coûtera rien. Et ce sera grâce à Bouygues Télécom. Et là, vous allez me dire, oui, mais je suis sous un autre opérateur, c'est pas très grave. Vous allez en changer pendant 2 ans. Maintenant, c'est gratuit de changer d'opérateur. Et puis surtout, vous allez garder votre numéro de téléphone. Donc pour vous, ça change rien à votre vie, sauf que vous n'allez pas payer le téléphone pendant 2 ans. Vous voulez gagner ça, vous envoyez Bruno par SMS au 74 900. En retour, vous allez avoir une question. La question est la suivante. Qui fait au moins 20 vannes de qualité par émission? Vaché ou Anne Roumanoff? Si vous répondez Anne Roumanoff, il y a peu de chances que je vous rappelle. Si vous répondez Vaché, je peux vous appeler là, dans une demi-heure et en direct sur Fun Radio. Si vous répondez que votre SMS a été sélectionné, vous gagnez donc ce super cadeau. Vous envoyez Bruno par SMS au 74 900. Bon courage! Mathieu Canabi arrive sur Fun et puis on va parler people avec Christina. Mon invité aujourd'hui, c'est Martin Garrix. Et alors, il y a une star de la chanson qui vient de faire son coming out. Je vous dis qui dans 5 minutes. Eh ben restez ici, c'est juste après ça. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. The Chainsmokers. Galantis. Yo, what's up? This is the Major Lazer crew right here on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto, c'est de Sephora dont je vais vous parler. Vous rêvez d'un teint allé, mais sans vacances ni soleil? Là, tout de suite, coup de bol, le make-up bar Sephora, c'est des super pros à votre dispo pour vous donner bonne mine en 15 minutes chrono. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Non mais regardez-moi, j'ai pas l'air de revenir des îles? Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Célio vous souhaite une bonne fête des pères. Au fait, tu sais ce qui lui ferait plaisir à ton père, toi? Ouais, il a retrouvé le skate de ses 17 ans. Alors ça sera Bermuda et chemise en lin. Moi le mien en chemise slim, il fait 10 ans de moins. Sinon, il y a les jeans Célio, il y en a pour tous les styles. Ah, pour mon père, je sais. Il est très foot et très polo. Et ben moi... Ouais. Bah je sais toujours pas. Bon bah du coup, on se retrouve tous chez Célio. Allez. Et pour une idée cadeau de dernière minute, rendez-vous sur celio.com. En ce moment, Célio souhaite aussi une bonne fête à tous les papas supporters. Le jeudi 16 et vendredi 17 juin, Leader Price frappe encore plus fort sur les prix. Le melon type charentais jaune ouvert est au prix imbattable de 69 centimes d'euros pièce. Oui, vous avez bien entendu, seulement 69 centimes. À ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Et c'est uniquement chez Leader Price. Melon type charentais jaune ouvert selon approvisionnement, catégorie 1, calibre 650-800 grammes, origine Espagne. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Avant, l'été, sans Chris, ça ressemblait à ça. Choux ! Qui veut des choux ? Choux ! Mais ça, c'était avant. Chouchou ! Qui veut des chouchous ? Des bons chouchous ! Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Moi, j'ai une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions en magasin. Magasin ouvert même le dimanche. Tous les matins, 6h-9h. C'est Bruno dans la radio. 32-28. Vous appelez Fun Radio. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arriver au standard de Fun Radio. Et là, vous allez dire, mais j'aimerais bien jouer au jeu des 30 secondes. Pourquoi faire? Pour gagner un téléviseur d'une valeur de 500 euros. Le truc dingue, c'est que vous allez vous retrouver en direct avec l'équipe. Dans 10 minutes, jeu des 30 secondes, ça arrive sur Fun Radio. Le temps d'écouter Mathieu Canabi. C'est Miss California. She's Miss California. Team. comprends mieux pourquoi. She's Miss California, c'est trop pour moi. Superficiel, je crois. Je ne me vois pas perdu dans un monde qui ne me ressemble pas. Loin d'une réalité qu'elle a semblé oublier. Elle m'a emmené. J'ai voulu tenter le coup. Avec elle, j'ai voulu jouer. Mais l'amour m'a rendu fou. She's Miss California. Mathieu Cannabis sur Fun Radio. Bah, Hilary Oro, ça va arriver. Et puis notre poteau, Julian Peretta. L'album de Julian Peretta vient de sortir. On s'est dit, c'est peut-être l'occasion de le faire revenir pour chanter avec Ray en direct. Il était venu avec Miracle. Il avait chanté en direct, il avait bien assuré. En plus, je crois qu'il a travaillé son français, etc. Ah ouais, il m'avait charrié un peu sur mon anglais, donc moi j'ai arrêté l'anglais, du coup. Parce qu'au départ, il devait venir avec un traducteur, mais en fait, il a tellement aimé la dernière fois qu'il a dit non, non, je viens tout seul sans c'est traducteur. Dialogue de sourd, donc dans 20 minutes, avec Julian Peretta. Pour l'instant, sur Fun Radio, qu'est-ce qu'on fait? On parle people? Oui. Eh ben, allons-y. People! Les people de Christina. L'actu people de ces dernières heures, c'est avec Christina qu'on en parle comme chaque matin. On a quoi au sommaire aujourd'hui? Une star canadienne vient de faire son coming out. Le scandale se poursuit entre Taylor Swift et Calvin Harris. Anthony Martial a un gros problème avec ses meufs. Et Martin Garrix nous parlera de ce qu'il mange avant un mix. Alors, une star de la chanson qui a fait son coming ouais. out. Alors, c'est une star de la chanson, elle est canadienne, mais c'est vrai qu'on la connaît très bien en France. Elle chante en français? Oui, tout à c'est fait. Céline en Dion, fait, même. C'est. Non, c'est pas Céline oh. Dion, c'est l'autre, c'est Cœur de Pirate. Ah. Ouais. En fait, c'est suite à la tuerie d'Orlando qu'elle a réagi. Elle est sortie de son silence, c'est ce qu'elle explique. En fait, elle avoue être gay depuis qu'elle a 6 ou 7 ans. Elle s'appelle Béatrice Martin, ça c'est son vrai nom. Évidemment, Cœur de Pirate, c'est pas son vrai nom. Et donc, elle livre un témoignage touchant où elle explique qu'elle avait choisi d'être hétéro parce qu'elle avait peur d'être rejetée. Mmh. Elle s'est mariée, elle a eu un enfant, une petite Romy d'ailleurs, il y a 4 ans. Mais là, ça y est, elle a dit « Je révèle tout, j'en ai marre de pas m'assumer. Maintenant, c'est bon, je sors de mon silence. » Donc voilà, bravo à elle. C'est classe. Ouais. Elle est mimi, Cœur de Pirate. Elle est très super mignonne. Mignonne. Elle avait fait des photos oui. nues avec plein de tatouages. Elle est très sexy. Elliot, dis pas un oui comme ça en bavant, c'est gênant pour tout le monde. C'est Elliot, il serait capable de changer de sexe juste pour pouvoir sortir avec elle. c'est bien. Elle est commerçante. Ouais. Ouais, c'est bien. Et il ouvre à quelle heure? Il ouvre à quelle heure le commerce? Tu nous as annoncé hier que Taylor Swift sortait avec l'acteur Tom Hiddleston. Oui, et donc elle aurait commencé à sortir avec lui alors qu'elle était encore avec Calvin Harris. De tout ça, je vous en ai parlé effectivement hier, mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'a priori, c'était un couple plutôt open hein, à l'époque, Calvin Harris et Taylor Swift, puisqu'on apprend ce matin que Calvin Harris aurait voulu envoyer une photo de son sexe à une fille qui voulait pécho, d'accord? C'est une fille qui travaillait dans une maison de disques américaine. Sauf que du coup, elle était mariée et elle a balancé la photo à tout le monde. Et c'est arrivé jusque dans le portable de Taylor Swift. Voilà. Le fameux self-beat. Exactement. Bon, Anthony Martial. Vous voyez qui c'est? Oui. C'est un joueur de l'équipe de France. Alors, il n'était pas au taquet hein, lors du dernier match. Non. Mais il fait parler de lui depuis quelques heures, pas pour le foot, mais pour sa vie personnelle, car son ex et sa meuf actuelle se font la guerre. Alors, son ex, c'est Samantha. Elle supporte pas trop d'avoir été avait largué. Et sa nouvelle chérie, c'est Mélanie Dacrous, que l'on a vue dans Les Anges 8. Elle est dans le Mad Mag aussi. Mm-hmm. Et donc, elles se font la guerre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est à base de t'as un gros cul, l'autre qui dit bah, ton mec a de l'argent, refais faire toi le nez. Enfin, voilà, c'est que des trucs comme ça avec plein de fautes sur Snapchat et Instagram. Un bel hommage à tous ceux qui sont en train, en ce moment même, de passer le bac de français. C'est ça. Allez, on finit avec Martin Garrix. On l'adore, Martin Garrix. Et donc, j'ai posé cette question. Martin, qu'est-ce que tu manges avant de mixer? Attention, la réponse fait moins d'une seconde. I like to eat pizza. Il aime manger les pizzas. Il nous avait dit la pizza aux truffes quand il était venu. Ouais, il adore vrai. Ça. Martin Garrix, qu'est-ce qu'il avait été frais quand il est ouais, venu? Ouais, mais ça reste un DJ qui s'appelle Martin. Et ce sera toujours chelou. Pour moi, Martin, c'est une voisine, voilà, un peu relou qui fait du bruit. Moi, libre. Bailar, 2 euros, ça arrive sur Fun Radio. Et puis le jeu des 30 secondes, là, vous appelez le 3228. Avec Cdiscount, on vous offre votre écran LED 126 cm. Il vaut 500 euros, il est pour vous. Jeu des 30 secondes au 3228. On joue juste après les news. Le prix direct, c'est jusqu'à dimanche. Et c'est chez Intermarché. Pour un kilo de merguez ou chipolata origine France, Jean Rosé acheté, le deuxième kilo est offert. Mais c'est seulement jusqu'à dimanche. C'est ça le prix direct qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Naturo aux herbes, pour votre santé, bougez plus. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la B-Box Miami oui. à 14,99€ par mois. 14,99€ Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la B-Box Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casinomania et je suis avec Antoine. Alors vous, c'est quoi votre petite manie? Bah chez Casino, t'achètes un poisson, le deuxième est gratuit. Et moi j'adore le poisson, donc je tire au sort. Merlu, cabillaud, l'immense sœur à toi qui sera gratuit. Oui, gagné. Jusqu'au 19 juin, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un filet de merlu blanc, de l'immande ou de cabillaud, le deuxième est à 0€ au lieu de 4,60€. Casinomania, la folie continue! Avec Casino, prenez goût aux économies. Un achat possible, poids selon variété. Célio vous souhaite une bonne fête des pères. Au fait, tu sais ce qui lui ferait plaisir à ton père, toi? Ouais, il a retrouvé le skate de ses 17 ans. Alors ça sera Bermuda et chemise en lin. Moi, le mien en chemise slim, il fait 10 ans de moins. Sinon, il y a les jeans Célio, il y en a pour tous les styles. Ah, pour mon père, je sais. Il est très foot et très polo. Et ben moi... Ouais, ouais. Bah, je sais toujours pas. Bon bah, du coup, on se retrouve tous chez Célio. Allez. Et pour une idée cadeau de dernière minute, rendez-vous sur celio.com. En ce moment, Célio souhaite aussi une bonne fête à tous les papas supporters. Aujourd'hui, j'ai envie de fêter mon super papa. Chez Mariono, les super papas méritent des super parfums. Pour la fête des pères, profitez de moins 25% sur tous les parfums. Attention, vous n'avez plus que quelques heures pour en profiter. Offrez conditions en magasin ou sur mariono.com. Mariono, la beauté qui me ressemble. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis chez Lidl. Et encore des pépins pour notre pomme, c'est ça? Pas des pépins, patron, des noyaux et des gros, hein. Aujourd'hui et demain chez Lidl, ils font la barquette d'un kilo d'abricots Origine France à 1,99€. 1,99€ la barquette d'un kilo d'abricots Origine France, t'es sûr? Un sûr de chez sûr, patron. Là, avec les abricots en barquette, sûr qu'ils vont faire un carton. Et sûr que toi, tu vas avoir des pépins, toi, et des gros. On est mal, je sais, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 35-40, Origine France. Vous envoyez Bruno par SMS au 74-900. On est en plein cœur là d'une demi-heure pour vous offrir la Golden SIM Bouygues Télécom qui va vous permettre de gagner 2 ans de communication complètement gratuite en illimité. La 4G Bouygues Télécom, les MMS, les SMS, les appels en illimité. Vous voulez gagner, vous envoyez Bruno par SMS au 74-900. Fun Radio. Le son. Dance. Floor. Le point sur l'actu de ce vendredi. Justine Salmon pour les news, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous et bienvenue. On y va pour la météo et toujours pas de changement. C'est pas terrible sur presque tout le pays. Les chanceux se trouvent dans le sud-est. Soleil ou éclaircie prévu en Méditerranée. Les températures, ça va de 8 à 14 degrés ce matin. Cet après-midi, 16 à Caen, 17 à Clermont-Ferrand. Il fera 20 degrés à Paris et 22 à Cannes. Et si on regarde notre week-end demain, la même, et ça va s'arranger à partir de dimanche. Hommage aujourd'hui au couple de policiers tués dans les Yvelines par un djihadiste. François Hollande présidera ce matin une cérémonie à Versailles. Elle se déroulera en présence de leur famille ainsi que de Manuel Valls. Le petit garçon du couple âgé de 3 ans sera déclaré pupille de la nation. On va peut-être enfin savoir ce qu'il s'est passé lors du crash de l'avion Egypt Air le 19 mai dernier. L'une des deux boîtes noires de l'appareil a été repêchée. Elle est en mauvais état, mais la partie la plus importante de l'enregistreur semble opérationnelle. Cette boîte noire contient les conversations dans la cabine de pilotage et pourrait aider à comprendre les causes du drame. Une tragédie en Angleterre. Jo Cox, députée pro-européenne, a été tuée par balle hier en pleine rue. Elle a été abattue par un homme de 52 ans. L'agresseur a été arrêté. Il aurait crié « Le Royaume-Uni d'abord » à une semaine d'un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. En plein euro, Paul Pogba a créé la polémique. Il est accusé d'avoir fait un bras d'honneur aux journalistes lors du match France-Albanie, ce qu'il dément fermement. Il explique juste avoir fait sa petite danse de la victoire pour exprimer sa joie après le dernier but des Bleus. Et sur le terrain, hier soir, match nul à 0-0 entre l'Allemagne et la Pologne. C'est fini pour l'Ukraine après une deuxième défaite. Ce vendredi, on a 3 matchs à suivre. À 15h à Toulouse, l'Italie face à la Suède. À 18h en direct de Saint-Etienne, République tchèque-Croatie. Et puis à 21h, l'Espagne va affronter la Turquie. Bon réveil sur Fun. Yeah! Fun! Jusqu'à 9h. Bruno! This is Bruno. I love this station! 8h34, c'est Fun Radio. Bon réveil, la famille. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est 10 euros là dans quelques secondes. Et en live, Julian Peretta. Okay. Il a chanté, je crois, au Stade de France, pas au Stade de France, mais à la Tour Eiffel pour la cérémonie d'ouverture tout à de l'Euro. Fait. On va lui demander, tiens, le feeling qu'il a eu, chanter devant 80 000 personnes, même plus, hein, je crois, ça doit. Tu dois stresser un peu quand même. Flipper un show, il y a quand même. Julian Peretta, il va être là en direct. L'album de Julian s'appelle Karma, je crois, il vient de me passer entre les mains. On va vous faire écouter quelques extraits, puis il va venir chanter là en direct tout à l'heure. Mais pour l'instant, sur Fun Radio, on joue. Le jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes. Jeu des 30 secondes ce matin à Saint-Jean-de-Bournay. Qui nous attend? Bah c'est Karine qui nous attend, elle a 29 ans. Applaudissements pour Karine. Salut Bruno, salut la salut. Voilà, c'est quoi ce son qu'on m'a ressorti fond? Et remarque, et Karine, 29 ans, ça te parle, ça écoute. Écoute ça, écoute ça. Emmène-moi. Oh là là. Hey. Alain, t'avais quel âge? Honnêtement, t'avais quoi? T'avais 6 ans? Ah ben ouais, mais je m'en souviens, c'est bizarre, mais... Alain Théo, c'est quelle c'était année? C'était trop bien. Il y avait le deuxième single, Lola aussi. C'est trop 90-95, par là, je pense. Ouais, ouais, t'avais quel âge en 90, Karine? 4 ans. Ouais, voilà. Ça doit être ça. Je suis pas forte en calcul. Alain Théo, 98. Bah, c'est pas compliqué, t'es né en quelle année, Karine? Eh ben, 29 ans, je suis née, j'en sais rien, je sais plus où me stresser, là. Karine, 86. T'es née en quelle année? 86. T'es née en 86, donc en 90, bah t'avais 4 ans, enfin, à un moment, faut pas non voilà. plus... Voilà. C'était en 98, Alain Théo. Eh ben, donc 98, donc t'avais 12 ans. 12 ans. Voilà. C'est ça. Très très chiant tout ça, mais c'est bien de recaler un peu tout ça. Karine, tu joues face à Aurel. Aurel, il a 29 ans, il habite à Lille. Applaudissements pour Aurel. Voilà. Salut Bruno, salut la famille. Salut. Ah oui, donc on est salut sur... tout le monde. Salut, salut. Fonf, évite hein, tout ça. Hein. C'était pour l'équipe de France 98. Ah merci. Champion du monde. Merci, merci. bon, Aurel, Karine, la règle du jeu des 30 secondes, elle est simple, vous la connaissez. Vous allez devoir choisir quelqu'un de l'équipe qui, en 30 secondes, va tenter de vous faire découvrir un maximum de mots. Celui de vous deux qui aura trouvé le plus de mots repartira grâce à Cdiscount avec un téléviseur technologie LED. C'est un LG, la marque. Il fait 126 cm et il vaut 500 euros. D'accord? Ok. D'accord. Karine, avec qui veux-tu jouer? Eh ben avec toi. C'est un choix judicieux. Aurel, avec qui veux-tu jouer? Avec Karina du JPI. C'est un choix judicieux également. Karine avec moi, Aurel avec Karina. Qui a gagné hier? C'est moi, Bruno. Vacher, enchanté. Qui commence? Qui joue? Je crois que tu as beaucoup commencé ces derniers temps, donc je veux dire Karina. Karina, tu commences avec Aurel. 30 secondes. Je rappelle que Karina ne connaît pas la liste des mots, elle va la découvrir au top chrono. D'accord, Aurel? Ok. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Top chrono, c'est parti. Ok, c'est quelqu'un qui t'aide dans ton travail, par exemple. Ça peut être ton... Ton patron. Non, qui t'aide ton beaucoup. Collègue. Non, autre chose. Dans ta voiture, pour réussir à bien tourner le volant, tu as la direction... Assister. D'accord, assistant. Donc voilà. C'est un fruit de mer avec des pinces, c'est un... Crabe. Ok, un pull, il peut être un pull chaud, il est en... Laine. Très bien, quand tu jardines, tu ça a une roue à l'avant, deux roues à l'arrière, tu les brouette. Tiens... Oui, ouais. C'est pas étroit, c'est... Large. Putain, il l'a dit ça. Avec une demi-seconde de retard. Ouais, putain, et, tu sais quoi, viens me voir, que je t'embrasse. Moi, mon casque est passé long. Parce que franchement, c'est magnifique. Direction assistée pour assistant. Ouais. Ouais. Tu nous as bien calmé. Ça va vite. Et même la brouette a été pas mal. Elle était pas mal. Tu t'en es bien sorti. Il n'y a pas deux roues à l'arrière sur la brouette. Hein. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de roues à l'arrière. Ouais, mais il a trouvé, c'est essentiel. Bravo. Bon. Et le crabe, c'est un crustacé, parce que je sens qu'on va avoir 1000 messages sur la page Facebook Bruno dans la radio. Il a trouvé, c'est l'essentiel. Voilà. Exactement. Combien de mots? 4 points. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, Karine, 4 points. Il faut qu'on fasse au moins 4 pour que tu gagnes la télé. T'es prête? Eh ben allez, allons-y. Eh ben écoute, je suis pro aussi, top chrono, c'est parti. Alors, il y a l'arrivée et le contraire, c'est le... Ouais, très bien. Quand on voit quelqu'un, on est fan de quelqu'un, on dit « Oh, je... Oh. » T'adores ? Ouais, ça commence pareil. Adorer ? Ouais, ça commence exactement les deux mêmes mots du début, mais après c'est pas pareil. C'est « Oh, tu es en... devant cette personne. » En adoration. Ouais, presque. En... c'est compliqué, je peux dire. C'est-à-dire que c'est vraiment. T'aimerais être comme elle, tu l'as. Non, mais non, c'est un peu. Je suis dégoûtée. T'as qu'à dire le mot pendant que Mais non, ça commence pareil, mais oui, mais là c'est compliqué. C'était admiré. Et tu pouvais faire deviner le chanteur de l'Eurovision. Admire. Non. Et genre, quand t'articules pas, je l'admire. Ouais. Karine, je suis désolé, ma belle. Mais non, mais c'est pas de ta faute, c'était super dur. Bah oui, c'était pas facile. Aurèle, la télé est pour toi. Merci Karina, merci tout le monde, merci la famille. TVLG Full HD de 126 cm grâce à Cdiscount à l'occasion de l'Euro de foot. On t'envoie ça vite, on t'embrasse, Aurèle. C'est canon, des gros bisous, merci. Bisous. Merci à toi. Bisous. C'est Fun Radio et Bailar, 10 euros tout de suite. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, más sabrosito. Vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Y yo soy vegana, la van a envidiar. Baila como diosa, así no joder. En direct avec nous dans moins de 5 minutes sur Fun Radio. Julian Peretta, il y a l'album qui sort, là ça s'appelle Karma, l'album de Julian Peretta. Il va venir chanter en direct I Cry. On va faire un truc, je lui parle en anglais, il me parle en français. Voilà. Donc on est tous les deux en train de travailler notre langue vivante préférée, on va faire ça en direct. Le week-end, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio.

Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking hold on me. Fun. Tous les matins. C'est Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. 8h48, vous écoutez Fun Radio. Bienvenue les amis sur la première radio Dance Floor de France. Et bienvenue à Julien Beretta. How are you Julien? Je suis bien. Alors, la dernière fois où Julien est venu, il a dit, dis donc ton accent anglais il est pas génial. Ouais. Il s'était un peu foutu de toi. Il s'est moqué, il s'est moqué ouvertement. Je manque un peu. Donc on va faire quelque chose. Oui. Je parle en anglais. Tu réponds en français. Ok. Ok. Ça va. Okay. Donc, alors moi, je parle en anglais. Ok. You sang at the Tour Eiffel for the opening of the Euro. C'est bien. Didn't you? Je suis impressionné par ton anglais. Did you take a good time in front of all these people? Ouais. Je passe un très bon moment. Ouais, il a rien compris. On peut traduire quand même. Je lui ai dit voilà, il a chanté pour l'ouverture de l'Euro sous la Tour Eiffel. Je lui ai demandé est-ce qu'il n'avait pas trop flippé face aux gens. Il a dit qu'il avait passé un très très bon moment. Non, c'était top. C'était top. Il est bien. Hello, Bruno. Yeah, hello, my name is Bruno. Excuse me, Bruno. Yeah? What's your favorite color? Oh, my favorite color is blue. Oh. Do you have a cat? No, I don't like cats. What time is it, Bruno? It is 10 to 9. Rien à voir. O'clock. Pas mal. Bon, et Julian, puisqu'on parle d'euro, t'es anglais, est-ce que tu soutiens l'Angleterre? You're an English boy. Do you support England? Yeah? Oui, ouais, si je suis un, si je, quand j'allais à l'Angleterre, ouais, bien sûr, et je suis avec mes amis de l'école et mes parents, tout ça, bien sûr, je suis... comme ça pour Angleterre. Mais si je suis ici en France et je regarde France sur la télé, bien sûr, je suis pour la France. D'accord. Ah, c'est cool. Mais s'il y a une finale France-Angleterre, t'es pour qui? ça c'est difficile. Hey, mais il faut un choix, t'es obligé. Je pense à Angleterre. Bah oui, bien sûr. C'est même. Normal. Hein. Ouais. Choix du cœur. Oui, Christine. Alors moi j'ai une petite question, mais tu peux traduire, Bruno? Bien sûr. Alors attends, vas-y. Alors je voulais parler de son nouveau single qui s'appelle I Cry. Oui, très bien. Et ça veut dire je pleure, ça, je le sais. Bien sûr. Alors je voulais savoir si c'était, si Julianne, tu étais un mec qui pleurait souvent. Bien sûr. Ah, ok. Non, attends, il est. Julianne, are you a guy who often cry? Maybe yes or not. And if you cry, why do you cry? Si tu pleures, pourquoi? Je sais pas si je. La dernière fois, j'avais pleuré. Tu te rappelles pas? Je ne me rappelle pas. Mais tu peux pleurer devant des trucs débiles? La dernière fois que tu as pleuré, c'est quand tu m'as entendu parler anglais. C'était dingue, la dernière fois. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas la dernière fois. Tu te rappelles plus? C'est que tu pleures pas très souvent alors. Peut-être l'année dernière, bizarre. Ouais. À Ibiza? Ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait? Un bad trip. J'étais trop heureuse. Bon, l'album s'appelle Karma. Vous connaissez déjà sur cet album Miracle? Vous connaissez le nouveau hit I Cry? Moi, j'ai envie qu'on survole vite fait l'album. Ne serait-ce parce que Niklas a rentré les morceaux et que tu vois, il avait peur qu'on les passe pas. Donc dessus, il y a Karma. C'est résolument un album d'été. This is a summer album. This is a summer album. Ça, c'est Karma. Il faut dire qu'il s'est entouré des plus grands producteurs de musique électronique pour faire cet album. On l'entend sur Crash. Love Won't Let Me Go. Ah, c'est canon. On a envie de chiller en décapotable. Ah ouais. Vraiment. On parlait d'Ibiza, tu sais que nous, Julianne, on sera à Ibiza dans une semaine. Oh, je viens avec toi. Ah bah viens avec moi. Viens avec moi. Et je pense qu'on va emmener cet album. C'est parfait pour Ibiza. Merci. Ouais. C'est un album de vacances. Quand j'ai créé l'album avec des producteurs comme Magilizer 2, des gens que je travaille avec, j'ai dit je veux faire un album pour l'été, tu vois, quand t'es à vacances, quand t'es dans la voiture. Et c'est un album, quand moi j'ai écouté l'album avec des amis, je me sens... je me sens bien à moi. Mais ça c'est cool. Ouais. Mais oui, c'est vrai, mais regardez ce morceau là. Ah, The Avener, ça c'est The Avener, ouais. Et moi. Ouais. Mais The Avener, ils seront avec nous à Ibiza d'ailleurs. Ah, ouais. Dis bonjour à moi. Et ben, je n'y parce qu'elle ne répond pas sur WhatsApp, le connard. D'accord. On va lui dire. C'est quoi? Eh, hey, dis-lui le message maintenant et on lui passera la semaine prochaine. Vas-y, si t'as un message à lui passer, dis-lui maintenant. Vas-y. Avener, j'adore qu'est-ce que tu fais, mais t'es le pire pour répondre sur le portable. Mais voilà, merci pour cette production. Elle a fait cette chanson Free pour moi. Elle est un génie, ce mec, j'adore. Ouais, je suis fan aussi. Ouais, je suis un fan. Autre extrait, Rich Kid. Il y a vraiment que des bombes. Voilà, l'album s'appelle Karma. Je le dis parce que c'est vrai, souvent aujourd'hui, les artistes sortent des morceaux. Il y en a un ou deux et t'achètes l'album, tu te rends compte que les huit autres, c'est un peu moins bien. Là, il y en a pas un au-dessous de l'autre. Tout l'album est top. Donc, je vous conseille. Tu sais, parce que quand tu vas sur iTunes, tu peux acheter juste un morceau. Et il te propose d'acheter l'album. Donc le morceau, en général, c'est 1,24€ et tout l'album, c'est 10 balles. Et tu dis, merde, 10 balles, si les autres chansons ne me plaisent pas. Et ben là, franchement, vous pouvez mettre votre billet de 10 balles parce que ça vaut le coup. C'est Elliot, gentil, moi, j'ai une question technique sur I Cry. Ouais. Comment tu atteins cette note? Ouais, c'est comment dire, un secret. Ça prend beaucoup de temps pour faire. Ouais. 2-3 jours, j'étais là. Ouais. Ouais, il faut un bon ami qui sache mettre un bon coup de pied. Dans les parties. Quelqu'un pour. Ouais. Tu vas pouvoir le faire seul ce matin ou tu veux que quelqu'un te. Pendant que tu chantes. Pas toi, mais. Mais Christina. Allons-y. Non, Katia. Tu chantes. Katia, oui, qui l'accompagne. Ça va, Katia? Ça va, ma belle? Ça, c'est elle ma a une voix magnifique. Viens, viens dire bonjour. Ouais, parce que on les fait jamais parler, ouais. Les productrices. Tu sais, ça, c'est elle. Ça, c'est à cause d'elle. Je suis ravie d'être là. Et ouais. Moi aussi. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais bien sûr, elle arrive maquillée, pomponnée, elle sent bon, mais c'est important. Bon, est-ce que tu vas chanter en direct pour nous? Avec plaisir. Eh bien, applaudissements, les amis, pour Julianne Peretta! So hard to think about what we could have been. Where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. I still do. I get so emotional. Can't we make a truce? Cause I cry, cry. You know why. No, no, no. I'm drowning in an ocean of salt water. Me, yeah, come back to me, yeah, come back, come back, would you come back to me, yeah, come back to me, yeah, come back to me, yeah, when you're gone, that's why. You went away, nothing's the same, no. But I'll be okay if you make your way my front door. I cry, I dream. Julianne Peretta en live! Merci beaucoup. Merci. L'album est une bombe. Voilà, je vous le dis. Ouais, je l'ai téléchargé. Faites-le, l'album. Et c'est, vous l'amenez avec vous cet été. Prenez l'autoroute, vous laissez défiler les plages. Et voilà. Vous allez voir, un vrai chanteur, quoi. Il a une voix de ouf. Honnêtement, j'avais un concert hier. Je rentre à 3h30. Et je dormais juste 2 heures. Oh là là, enfin, je suis un peu fatigué. T'étais aux 24 heures du Mans hier. Voilà. Bah, mais je sais tout de ta vie. Ça, c'est dur. Mais quand il chante comme un dieu en disant j'ai dormi 2 heures, c'est comme le gars qui a eu 18 en maths, ouais, et qui dit en plus j'ai pas révisé. Merci beaucoup d'être venu, Julien. Merci Fun Radio pour tu. Merci. Tu es le bienvenu. Merci aussi. La France. Tu merci. Le sais. Thank you. Bon, on n'a pas eu le temps de faire le JPI. Alors, deux choix. Est-ce qu'on se dit qu'on le garde et on en fait un lundi, ou les gens se disent oh, ouais, moi j'aime bien mon JPI. Non, on le fait après 9h. On le fait après 9h. Bah oui. Comme vous voulez, nous on n'est pas très regardants, mais bon. D'accord, on le fait après 9h. Bon, bah, ça Amir, ça arrive. Chainsmokers. Ou encore David Guetta, Zara Larsson. Vous écoutez Fun Radio, vous écoutez la première radio Dance Floor de France. Bienvenue dans la famille, on revient dans 2 minutes. Alain Flelou, ça y est, c'est parti l'été fou? Oui. Chin Chin cet été, ce n'est pas une, mais 2 lunettes de plus pour 1 euro de plus. Oui. Et la troisième paire? Pour vous ou pour qui vous voulez. C'est fou. C'est fou, c'est Flelou. Chin Chin jusqu'au 31 juillet, c'est 2 lunettes de plus pour 1 euro de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Avec Pepsi et Lipton, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repart avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL. Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, bougez plus. Carrefour Market. L'autre soir, un copain nous a fait des côtes de porc délicieuses. Sa recette était excellente. Oui, bah c'est facile, Michel. Hein. Il suffit juste d'avoir les bons produits. Jusqu'à demain chez Market, pour 2 plateaux de côtes de porc origine France achetée, le moins cher des deux est gratuit. Non, vous êtes jaloux, vous. Pas du tout. Ouais, bah venez faire la cuisine à la maison, alors. Non plus. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Porc côte avec os à griller, le plateau de 8 pièces minimum, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Célio vous souhaite une bonne fête des pères. Au fait, tu sais ce qui lui ferait plaisir à ton père, toi? Ouais, il a retrouvé le skate de ses 17 ans, alors ça sera Bermuda et chemise en lin. Moi, le mien en chemise slim, il fait 10 ans de moins. Sinon, il y a les jeans Célio, il y en a pour tous les styles. Ah, pour mon père, je sais, il est très foot et très polo. Et ben moi, Ouais. Bah, je sais toujours pas. Bon bah du coup, on se retrouve tous chez Célio. Allez. Et pour une idée cadeau de dernière minute, rendez-vous sur celio.com. En ce moment, Célio souhaite aussi une bonne fête à tous les papas supporters. Bon, on se fait le JPI avec 2 petites minutes de retard, là, juste après les vraies infos sur Fun Radio. Et puis, il y aura le top 3 d'Eliott, les 3 meilleurs moments de l'émission, compilés par Eliott, comme chaque matin, là, juste après 9h. À tout de suite. Fun Radio. Le son. Dance. Floor. Merci d'avoir choisi Fun Radio et merci d'être de plus nombreux à le faire, de plus en plus nombreux à le faire chaque matin, quoi qu'on dise. Les infos avec Justine Salmon, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous et bienvenue. On y va pour la météo et c'est encore un sale temps là sur toute la France, ou presque, puisque la Méditerranée sera sous le soleil. Les températures, ça va de 8 à 14 degrés ce matin. On attend cet après-midi 18 à Lille, 19 degrés à Saint-Malo, 21 à Strasbourg et 25 à Avignon. Et un petit coup d'œil sur notre week-end, un temps pas terrible encore demain, mais retour du soleil dimanche. Bras d'honneur ou pas? Le geste de Paul Pogba fait parler en tout cas. Le joueur de l'équipe de France est au centre d'une polémique. On l'accuse d'avoir fait ce mauvais geste en fin du match France-Albanie mercredi. Ce qu'il dément fermement. Il affirme avoir été heureux du dernier but et explique juste avoir fait cette petite danse de la victoire. Rien de plus. Justement, on parle de l'Euro. Hier soir, l'Allemagne a été tenue en échec par la Pologne avec un score final de 0-0. Et l'Ukraine est d'ores et déjà éliminée de la compétition après sa défaite 2-0 contre l'Irlande du Nord. Ce vendredi, on a 3 matchs à suivre. À 15h à Toulouse, l'Italie face à la Suède. À 18h en direct de Saint-Etienne, République tchèque, Croatie. Et puis à 21h, l'Espagne va affronter la Turquie. Après des semaines de contestation contre la loi travail, le patron de la CGT va se rendre dans le bureau de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, ce matin. Un rendez-vous qui s'annonce tendu. 4 jours après la mort du couple de policiers dans les Yvelines, François Hollande va présider ce matin une cérémonie d'hommage. Hier, plus de 2500 personnes ont participé à une marche blanche entre le commissariat de Mantes-la-Jolie, où travaillait la femme du couple, jusqu'à leur domicile. Et puis aujourd'hui, une pensée aux élèves de première qui passent leur bac de français, du français également pour les terminales technologiques. Et puis pour les filières générales, c'est la LV1 cet après-midi, donc bon courage à tous. Il est 9h03, passez une très bonne journée, un bon week-end. C'est le retour de Bruno dans la radio. Vous écoutez Fun Radio, il est 9h03, bonjour! Bonjour! Ah bah donc il n'y a que Vaché maintenant qui dit bonjour le matin. Bah ouais. Donc Elliot, il a arrêté de faire de la radio mais avec nous. Mais j'étais là moi! Moi je bosse. On t'a pas entendu, plus de voix. Qu'est-ce qui vous arrive les amis? Mais moi tu sais Bruno, moi je t'écoute et puis c'est vrai que je suis tout le temps sur le devant de la classe parce que j'apprécie beaucoup le cours Bruno dans la radio. Peut-être que les autres sont des cancres. Mais j'ai envie de vous dire... Oh putain c'est vendredi! Alors secouez-vous les amis, c'est important. Oh putain c'est vendredi! Ça veut dire que c'est le week-end qui arrive. Le son du week-end, Amir. The Chainsmokers. Arcade, Dimitri Vegas. Et David Guetta. Ben je vais dire, David Guetta. Et c'est bon, Zara Larsson, laisse-moi profiter. Ça arrive là dans la demi-heure. Il y aura Christina pour vous accompagner jusqu'à mais la fin oui, de l'émission. Bonjour. Caché. Oui, il n'y a que moi qui ai dit bonjour. Je suis le meilleur élève. Bonjour, ça va? Ça va, Bruno? Elliot qui est là ce matin. Oui, moi ça va. Bon, on avait un peu de retard, donc on le fait quand même. C'est l'heure du JPI. Fun. Le JPI sur Fun Radio. Le JPI, c'est le journal pour en image, c'est le faux journal de l'émission. C'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Bika Rokia et voici l'édition de 8h50 du JPI. Et pour commencer politique, ce matin, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, recevait le patron de la CGT. Ah oui, Philippe Martinez avec la moustache. Mais c'est pas Myriam El Khomri à la moustache? Ah, si, si, aussi, oui. Histoire, demain, le 18 juin, c'est l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Et s'il avait été chez Free, on parlerait tous allemand. Paul Pogba aurait adressé un bras d'honneur à la tribune de presse après le but de Payet contre l'Albanie. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Regarde, là c'est ta cuisse, ensuite c'est le genou, puis le tibia et le mollet. Plus bas c'est la cheville et le truc en dessous c'est le pied. Qu'est-ce que vous faites Anthony là ? Je suis avec Paul Pogba, je lui fais découvrir la jambe. Parce qu'apparemment, depuis le début de l'Euro, il utilise bien ses bras, mais pas du tout ses jambes. La France vous remercie Anthony. Et pour finir, cinéma, c'est l'histoire d'un mec qui veut retrouver son chien qui a été kidnappé. Découvrez Tekel 4. Voilà, c'est la fin du JPI. Lundi, nous serons lundi. Alors à lundi. Quelqu'un. Écoute, ça change un peu le JPI à cette heure-là, mais ça ouais, passe. Ouais, c'est pas mal. Hein. Mais ça se trouve, il y a des gens qui viennent de le découvrir, qui ne l'écoutaient pas, qui arrivent à la radio à 9h, hein, tu vois, c'est possible. Les pauvres. Les pauvres. Allez, top 3 d'Eliott. Le top 3 d'Eliott. 3, 2, 1. Les 3 meilleurs moments de l'émission compilés par Eliott, c'est le top 3. Numéro 3. Oui, et ce matin, grâce à MP qu'on a reçu sur Facebook, ils sont bêtes les deux. C'est Vaché et Christina qui me font rire. Vaché, il est sur les genoux de Christina, il pèse le poids d'un âne mort. Christina est galère. C'est ça, il arrête pas d'essayer de me faire des bisous. C'est très gênant. Non, c'est pas vrai si ma femme écoute. Hein, on rigole. Allez, on passe à la suite. Allez, on a lancé le hashtag ça, c'est pas possible. Il y a eu plein de réactions sur Twitter, sur Facebook. Et ici, dans l'équipe, et comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude, j'ai fait une petite compilation. Oh, je sens que vous l'adorez, réécoutez. Hashtag c'est pas possible, le mec qui s'est mis trop de parfum mais qui s'est pas lavé. Et cette odeur un peu rance de derrière un sapin. Je crois que c'est pas possible, le mec qui écoute du rap super fort dans sa voiture et qui ouvre les fenêtres en se disant tout le monde va kiffer et va penser que c'est une histoire. Il y a Ludo qui dit c'est pas possible, les ongles longs pour les hommes avec un petit peu de noir dessus. Je suis d'accord, les ongles longs chez les mecs, c'est. C'est un peu ce qu'a Elliot. Au début, je croyais que c'était du nail art et puis après, je me suis approché, j'ai dit non, c'est sale. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Non, c'est bien chez toi, mon pote. Hashtag c'est pas possible. Hashtag c'est pas possible, les crocs. Les gens qui portent des crocs. Des crocs, hein. Les crocs. Oui, des crocs. Oui, pas sûr. On m'emmerde pas, moi j'ai des crocs. Hein. Les gens qui portent des crocs, c'est des loups-garous. Voilà, tu vois, c'est une différence. C'est des ours, voilà, eux portent des crocs. Ce qui se met au pied, c'est des crocs. Hein. Faut pas j'ai pas compris ta référence, hein. Tu m'excuses. Il voulait faire le kékos en plus derrière. Les crocs. Les crocs. C'est l'accro et ça se boit avec un barbecue. Numéro 2. Bah, non, tu peux pas me dire ça quand tout le top 3, toute la rédaction a décidé de te mettre en valeur en rediffusant un extrait du Vacher Time. Excuse-moi. Attention, hein, la prochaine fois, tu vas passer à la trappe. Tu aurais expliqué le principe de ce que tu as fait ce matin. Ouais, en fait, j'appelle des gens au hasard en le faisant le jeu de la vérité. C'est-à-dire que je leur dis que s'ils répondent la vérité à une voix qui est une machine, en fait, bah, ils gagnent un beau gros cadeau. Et là, je suis tombé sur une mamie. Ouais, une bonne cliente, comme on appelle ça dans le milieu. On écoute. À quoi jugez-vous que votre fille n'est pas une lumière ? Elle rigole pour rien, comme une quiche. Réponse validée. Par quel moyen potache arrivez-vous à faire rire vos petits-enfants ? J'adore les enfants. Quand je leur dis qu'il va y avoir de l'orage et qu'après, je fais autre chose. C'est-à-dire ? Je pète. Bien. J'espère que c'est pas une grosse blague que vous m'avez fait, non, hein ? Bah. En fait, madame, je suis pas vraiment une machine, je voulais juste quelques infos sur vous. Oui, alors ? Ah bah maintenant, je sais que vous puez des pieds, que votre fille est complètement teubée et que vous pétez au visage de vos petits-enfants. Ça me va très bien. Vous le prenez pas mal, vous allez pas me casser la gueule. On verra. Je suis désolé. Un avenir très proche nous le dira. Allez, numéro 1. Numéro 1. Numéro 1, je voudrais revenir sur la facture de 7h10. On a payé à Christopher sa boule de bowling. Ouais. Vous pensez qu'on ne peut pas déconner sur ce mot. C'était sans compter les troubliers de cette équipe qui sur rien font des brins d'humour. Ça veut rien dire. Ah mais alors mec, ouais. Ça ne veut rien dire du tout. Et tu sais que Elliot, je m'étais entraîné. Ça fait des mois qu'il dit troublion à la place de mais troublion. Mais oui, c'est troublion déjà. Et c'est quoi le vrai mot? C'est troublion. Je dis quoi moi? Toi, troublion. Ah ouais, parce que vous troublez la... Mais ça n'a rien à voir. Ah. Oh bon, gros, allez, on écoute. Allez, tais-toi. 230€, c'est une boule de bowling. 230€, une boule de bowling. Mais tu rigoles. Eh non, malheureusement, quand on aime le bowling, on a des boules percées à nos propres mains. Et du coup, ça coûte cher. Tu peux te faire mouler une boule sur tes mains? Ça me rappelle la petite amie allemande de Vacher dont on parlait cette semaine. Quand on en a parlé, ma femme, elle écoutait pas. Ah oui, c'est vrai, pardon. 7h16, elle écoute. Donc. Mais alors, Christophe, c'est qu'en fait, oui, c'est ça, c'est moulé exactement à tes doigts. Non, alors, c'est-à-dire que toutes les boules font le même diamètre. On perce les trous à la distance de nos doigts. Tout oui, à c'est ce que je veux dire, oui, c'est que c'est les trous qui sont moulés à tes doigts. Tout à fait, oui, absolument. Comme ça, tu mets tes doigts dans tes boules. Non, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Boule de bowling, comme la chanson. Et je suis comme une boule de bowling qui roule, qui roule. Bon, c'était boule de flipper, mais j'ai ça. Ça nous a permis de ressortir cette excellente chanson d'il y a 743 ans. Mais elle a été reprise par Leslie. Elle a été reprise. Oh putain, mais j'en peux plus. Eh, ça s'accorde. Chanson. Elle a été reprise. Reprise. Mais mec, jure, t'as pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, c'est pas possible. J'ai essayé, ouais. Mais non, mais peut-être il faut aller voir un docteur. Il y a un souci, je pense. Peut-être ta langue, elle est posée de travers, ou tu vois. Non, mais ça se trouve, c'est juste ça. Le mec, il va remettre droit, et puis en fait, on se rend compte que t'es hyper intelligent. Alors, c'est que là, faut remettre le cerveau aussi. À mon avis, tu vois, il est pas irrigué partout. Peut-être que tu vois, il faut souffler dans les artères et t'envoyer, tu vois, du sang dans un endroit où il y en a pas, peut-être aujourd'hui. C'est parce qu'on dit repris de justice, donc oui. Repris. Allez, vous savez quoi? On va vous offrir 2 ans de téléphone gratuit. Ouais. C'est mieux qu'on y aille tout de suite. Avec la Golden Sim de chez Bouygues Télécom. Golden Sim qui vous offre la 4G. Bouygues Télécom en est limité. Les appels, les SMS et MMS illimités pendant 2 ans. Vous voulez la gagner? Vous avez envoyé Bruno par SMS au 74 900. C'est une bonne chose. J'appelle quelqu'un en direct maintenant. Dont le SMS a été choisi au hasard par un logiciel informatique, je précise. et je lui offre cette Golden SIM. Oui, allô ? Oui, bonjour, comment tu t'appelles ? Ah bon ? Allô ? Oui, bonjour, comment tu t'appelles ? Moi, c'est Franck. Bonjour, Franck. C'est qui la personne qui parle si fort derrière toi, Franck ? C'est mon travail. Eh ben, dis donc, c'est ton le travail. Bordel, hein. C'est le bordel. Tu bosses dans quoi, Franck ? Je suis chauffeur de car. T'es chauffeur de car, très bien. Et eh ben, t'es en direct sur Fun Radio. Je m'appelle Bruno. Tu viens de gagner la Golden SIM Bouygues Télécom. Bon, c'est toi. Bravo. Oh, merci. Merci bien. Là, deux je ans. Tous les matins. Et eh ben, ça fait plaisir. Mais alors, hey, si tu nous écoutes tous les matins, surtout ne le dis pas. Voilà, faut que les auditeurs de Fun Radio, faut vous cachiez imperméable, blouson, lunettes noires et un feutre sur le visage et vous lisez un journal. Voilà. Sinon, c'est pas juste pour les autres. Sinon. Voilà. C'est pas bien. On t'envoie ça, cette Golden SIM Bouygues Télécom qui va te permettre pendant deux ans d'avoir tout gratuit, à savoir la 4G Bouygues Télécom illimité, appel, SMS, MMS pendant deux ans. Oui. Si t'es sur un autre opérateur, c'est pas grave, tu peux garder ton numéro de téléphone. D'accord. Bah non, je suis chez Bouygues. Et bah donc tout va bien. Alors tu sais quoi, c'est bien. On te fait des bisous, mon pote. Bonne journée. Moi aussi, merci. Ciao, ciao. Bisous. Bisous. Bon, on va vous souhaiter un bon week-end. Ouais, oui. Faites quoi ce week-end ? Bah, du coup, anniversaire surprise, mais voilà. Il est au courant d'Eliott. Et je voulais juste en profiter pour faire un petit bisou à Johan et tous ses potes qui sont venus nous voir ce matin. Parce qu'en fait, Johan n'était pas au courant qu'il venait ce matin. C'est son enterrement de vie de jeune garçon. Parce qu'il va se marier. Et donc, ses potes lui ont fait la surprise de l'emmener ici en studio aujourd'hui. Je trouve ça hyper cool. Eh ben, en tout cas, je les remercie d'une part, parce que c'est vrai. Et puis surtout, quand on vous voit, on peut se dire à la radio, ils sont des conneurs et tout. Mais en fait, en vrai, vous êtes pareil. Ah bah merci. On peut se dire jamais. Ils sont des conneurs et en fait, ils sont des connards. Hein. Oui. J'avais compris des connards en plus. Non, mais c'est trop fort parce que t'es arrivé avec un bandeau sur les yeux et tout. Franchement, vous avez bien joué. Je me suis dit au départ, qu'est-ce que c'est ? J'entendais une douce voix à l'oreille, suis-moi et tout. Dans un endroit noir, j'ai dit c'est chelou à 7h du matin. Je te chauffe pas non plus les vannes, c'est moi qui l'ai fait quand même. Le gars, il est quand même beau gosse, il est à l'aise au micro, ils tout le monde le regarde. Gosses, hein. Ça va quoi, il dit donc ça suffit. Hein. On va les envoyer dans le bureau de Justine Salmon et puis c'est tout. Les amis, passez un excellent week-end. Tout ce qui s'est passé ce matin, vous le retrouvez bien entendu sur funradio.fr et en podcast. Vous avez l'application Bruno dans la radio, elle est totalement gratuite. On sera là lundi. C'est Greg qui vous accompagne jusqu'à midi. Bonjour à tout le monde. Salut. Bonjour Greg, ça va mon pote ? Oui, ça va. Merci d'arrêter de faire des vannes sur moi. Il y avait la police ce matin devant la radio. C'était pour Emmanuel Macron qui était chez RTL, mais j'ai eu peur quand même. Ah bah, j'ai eu peur aussi, je suis que ça. C'est en ce moment, je me suis dit, peut-être que ça pourrait être pour moi. Bon, allez, on vous embrasse. Rendez-vous lundi sur Fun Radio en direct. Et voici Amir. You ou ou. Tu le fais tellement bien. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. c'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Oh, you, you, you, you, you. C'est Greg sur Fun Radio, nous sommes le vendredi 17 juin, soyez tous les bienvenus dans un instant, le retour de plus de 40 minutes de son dance. Tu vois pas qu'on parle avec les auditeurs ? Excusez-moi, pardon, je vais parler moins fort. Bienvenue sur Fun Radio. Pardon ? Fun Radio, le son dance floor. J'avoue, c'est pas bien, hier, j'ai regardé aucun match de l'Euro. Pas bien, pas bien, pas bien. En même temps, bon, ce qui nous intéresse, c'est surtout les matchs de l'équipe de France, on verra ça dimanche soir. Si comme moi, vous avez tout loupé, dans à peu près une heure, il y a Justine Salmon qui parlera foot sur Fun Radio avec la petite chronique sur l'Euro. Rendez-vous tout à l'heure. D'ici là, évidemment, tous vos sons préférés, les morceaux qui font bouger dès le matin, The Chainsmokers dans un instant, et aussi Dimitri Vegas et Like Mike. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. Sound of Ledger. Kelantis. Matel. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Plus que quelques secondes avant la mi-temps. Ah là là, quelle pression! Il faut absolument garder l'avantage! Mais siffle! Allez, regarde ton chrono! Ouais! Coup d'envoi dans votre micro-ondes avec les burgers Charal. Vous allez aimer la mi-temps. À découvrir au rayon frais et surgelé. Charal! Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Fun Radio. Cet été, jusqu'au 31 juillet, Nutella vous offre un ballon personnalisé pour l'achat de deux pots collecteurs de 1 kg. Rendez-vous vite en magasin. Conditions sur Nutella.com. Nutella réveille notre enthousiasme. Pour votre santé, bougez plus. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quintet Plus offerts. Non, sérieux ? Un bon à parier Quintet Plus offert ? À votre tour d'être aussi heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnants PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quintet Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Casino. Bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casinomania. Alors vous, Sylvie, c'est quoi votre petite manie ? Pour être bien raccord avec la promo Casino sur les tomates cerises Origine France, je mets mon petit jean bleu, mon t-shirt blanc et avec les tomates cerises, ça fait bleu, blanc, rouge. Jusqu'au 19 juin, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un lot de deux barquettes de 250 grammes de tomates cerises allongées et rondes Origine France, le deuxième lot est à 0 euros au lieu d'un euro 89. Casinomania, la folie continue ! Avec Casino, prenez goût aux économies. Lloris passe à Boateng. Boateng pour Messi. Oh là là, Messi accélère. Oh, il évite le tacle de Toulala et centre pour Ronaldo. Oh, superbe retourné acrobatique de Ronaldo. Quel but! Super! L'intégralité de l'UEFA Euro 2016 avec beIN Sport et 100% de la Ligue 1 et de l'UEFA Champions League, les plus grandes compétitions enfin réunies dans une seule offre. En ce moment, retrouvez Canal Plus et beIN Sport à 30 euros par mois dans les offres Canal pendant un an. Appelez vite le 3910. Service payant 25 centimes la minute plus prix appel. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal Plus et à beIN Sport. Le jeudi 16 et vendredi 17 juin, Leader Price frappe encore plus fort sur les prix. Le melon type charentais jaune ouvert est au prix imbattable de 69 centimes d'euros pièce. Oui, vous avez bien entendu, seulement 69 centimes. À ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Et c'est uniquement chez Leader Price. Melon type charentais jaune ouvert selon approvisionnement, catégorie 1, calibre 650-800 grammes, origine Espagne. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. You know.